Et la météo, tout ça avec Rémi. Salut Mehdi, salut à tous. C'est RAS pour la météo aujourd'hui, hormis le mercure qui grimpe en flèche par endroit. Grand soleil partout, y compris en Île-de-France. Attention tout de même ce matin au brouillard là, au nord de la Seine et en Bretagne. Les températures de 12 à 17 dans les terres, de 15 à 20 le long des côtes. Au meilleur de la journée, il fera de 26 à 29 dans le nord, de 27 à 31 degrés en moyenne dans le sud. Et ça va grimper dans le sud-ouest. Hein, 35-36 attendu entre Bordeaux et Biarritz en passant par Pau. Donc là, il va faire très très chaud. Et puis la pollution, c'est moyen. Les indices compris entre 3 et 4, ça monte à 5 sur Paris, Metz, Nîmes, Marseille, Montpellier et Montauban. Et non, la France ne nous a pas fait rêver hier soir. Les Bleus se sont heurtés au mur biélorusse. On jouait dans le cadre de la qualif pour le Mondial 2018. Ça a été un peu mieux en deuxième période, mais les 45 premières minutes ont été, on peut le dire, décevantes. Les hommes de Deschamps ont manqué un petit peu de tout, de mobilité, d'automatisme et tout simplement d'inspiration. Faudra faire mieux dans un mois, le 7 octobre. Prochaine rencontre contre la Bulgarie qui s'est imposée, elle, 4 buts à 3 contre le Luxembourg. La Suède et les Pays-Bas se sont neutralisés, un but partout. Déception pour le Portugal, champion d'Europe en titre, qui s'incline 2-0 contre la Suisse, même si Ronaldo n'était pas présent. Deux départements en alerte pour les incendies, cela concerne les Landes et la Gironde. L'accès aux forêts est strictement interdit, tout comme les chemins ruraux et les pistes cyclables. Les bases de loisirs restent ouvertes au public. L'intersyndicale anti-loi travail qui fait sa rentrée aujourd'hui, réunion prévue à Nantes pour coordonner les futures actions. Pas de défilé, en revanche la musique sera différente jeudi prochain. Manifestation prévue dans la cité des Ducs, mais aussi à Saint-Nazaire. Après les producteurs de lait, ce sont les éleveurs de bovins qui montrent leur colère. Ils accusent la grande distribution et principalement Carrefour de sous-payer la viande bovine française. Plusieurs opérations coup de poing sont prévues aujourd'hui devant les supermarchés. Mobilisation attendue à Paris, Lyon ou encore à Clermont-Ferrand. Une première action de Nicolas Sarkozy, le candidat à la primaire de la droite et du centre, est menacé, vous le savez maintenant, d'un renvoi en correctionnel. Cela concerne l'affaire Big Malion et un financement présumé illégal de la campagne de 2012. L'ex-président a tenu un meeting hier à Poissy dans les Yvelines. Il estime que les non-lieux passent et que le train continue. Il a dit, je cite, aucune manipulation, aussi odieuse soit-elle, ne me détournera de ma volonté. Un étudiant de Sciences Po placé en détention, il a été interpellé dans le Nord ce week-end. L'individu aurait tiré sur un autre étudiant pour des raisons encore inconnues. La balle est rentrée dans le dos avant de sortir par le ventre sans qu'aucun organe vital ne soit touché. Un seul survivant français à l'US Open de New York, c'est du tennis bien évidemment. Gaël Monfils se hisse en demi-finale après sa victoire contre Lucas Pouille. Dommage pour Tsonga qui a jeté l'éponge contre Novak Djokovic il y a un petit peu plus d'une heure. Le français a abandonné au 3e set suite à une douleur au genou. Il était mené de toute façon dans les deux premiers sets. Voilà, on a perdu 2 dans la nuit là. Eh bah oui. Bon, beau parcours de Lucas Pouille qui va arriver dans les 20 premiers je pense. Ça va monter au ATP. Ouais. Ça va monter, merci Rémi pour essayer de trouver du positif pour Lucas Pouille. Il a fait un beau parcours. Oui, et puis il est content. Alors, je vous ai vu, je ne vous parle pas des Bleus hier contre la Biélorussie. Hein. Vous avez remarqué, rien. Bon, tu nous en reparleras tout à l'heure à 6h30. Ça marche. Bonne journée à vous, bon réveil. Il est 6h pile sur Skyrock, c'est parti pour le morning. Chaque matin, le morning de Difool te réveille en direct de l'appart de Difool. Bon, je vous fais visiter vite fait. Ici, c'est la cuisine où Difool essaie encore de faire du café. Romano, là, il est en train de... Voilà. Cariole est sous la douche. Et dans la salle à manger, il y a Cédric et Rémi en train de bouffer tous les croissants. Oh non, sérieux les gars, non. 6h-9h. The Morning Show. Le morning de Difool sur Skyrock. Allez, on arrête de manger, c'est parti pour le morning. Tout le monde OP, tout le monde d'attaque. Et bonjour à toute l'équipe, salut bonjour, tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne petite nuit. Il va faire très très chaud aujourd'hui, hein. C'est reparti pour la canicule. Très très chaud, j'ai entendu 36 degrés dans le sud-ouest. Oui, entre 35 et 36 dans le sud-ouest, Bordeaux, Biarritz. 30 degrés du côté de la Bretagne. Les ouais. Bretons, le 30 degrés le 7 septembre. Ça n'a pas dû vous arriver souvent, hein. Record de chaleur de 10 degrés en Bretagne. C'est peut-être même pas arrivé dans l'été. Record de chaleur de 10 degrés. Là. Bon courage à vous, hein. Ça va être dur aujourd'hui pour ceux qui bossent dehors, hein. Dur aussi pour ceux qui n'ont pas de clim, dur pour ceux qui ont des collègues qui sentent mauvais au bahut, dans les transports, au boulot, attention, attention, dur pour nous aussi, car Cédric est là, bonjour Cédric. Eh ouais, bonjour tout le monde. Bonjour à toi. Pourquoi dur? Parce que... Mais Romain... tu es un peu notre boule puante à nous. Exactement. Tu parles, toi. Bonjour Romano. Bonjour. Bonjour Cariole. Bonjour. Bonjour Sam, les réseaux sociaux. Salut. Avec le hashtag Skyrock, le hashtag Morning de Difool. Rémi, le bonjour est déjà fait. Et bonjour à vous tous et vous toutes qui vous réveillez. Tiens, notez bien les numéros. Si vous voulez nous laisser un message pendant l'émission pour agir, c'est au 41 759 et au 01 53 40 30 20 pour nous appeler avec Cariole. Ouais. Et Cédric qui vous répondent. Ouais. Si vous voulez gagner 1 500 euros, bah c'est simple. Rendez-vous toutes les demi-heures à partir de 6h30, 7h30, 8h, 8h30. On vous appelle, on vous demande quelle est votre radio préférée. Et un numéro pour augmenter vos chances de gagner, le 7 20 20. Oui.

Ken Jones sur Skyrock, le son de Ken Jones, c'était Don't Mind à 6h07. Eh ben, vous avez trouvé avec qui on va réveiller les Français ce matin. Oui, c'est un petit peu original, hein, en tout cas pour le premier réveil de star de la matinée. Réveil de star pour démarrer l'émission avec, ah bah tiens, on a la bonne réponse. Je vais prendre Marine au téléphone en direct avec nous, en direct de Calais. Bonjour Marine. Salut Marine. Bonjour Ricky, salut tout le monde. Bonjour Marine, salut. Oh là, la pêche c'est bien ce matin à 6h08, t'es déjà au taquet, ça fait plaisir. Ah bah toujours, et puis je suis très contente de vous avoir là, je m'attendais pas du tout, c'est la première fois que je joue donc. Bah écoute, t'as bien fait, on va t'envoyer ton. Alors c'est quoi, tu veux un maillot de foot, de rugby, le t-shirt Skyrock, c'est comme tu veux. Un maillot de rugby. Maillot de rugby. Allez. Eh ben t'envoies ton maillot de rugby, tu veux quelle équipe? Bah la France évidemment. Bon, t'es la première à avoir gagné avant d'avoir donné la bonne réponse en direct à l'antenne, hein, t'as vu, hein. Alors, là, quelle chance. On a dit qu'on allait vous réveiller avec quelqu'un qui n'était pas un humain, qui n'avait pas de jambes, bah écoute, dis-nous qui c'est alors, c'est qui? Bah je pensais à Siri. Et oui, c'est Siri. Allô. Ah bah c'est la nouvelle voix de Siri. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien Siri, qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème. Oui, bah écoute, on va résoudre le problème, on va réveiller une famille dans un instant Siri. Là mais de le nouveau Siri est dépressif un peu. Siri, le nouveau Siri est dépressif. Ta voix me fait vibrer. Eh ben pas la tienne, Siri. Ah ben ouais, ben il est mou. Oui. Hein. Je parle plusieurs langues. Oui, mais j'ai envie de la tienne. Ah tu veux ma langue, ah, mignon, bah, Siri. C'est mignon ça. Marine, tu viens de choper ce matin sur Skyrock ton t-shirt rien qu'avec un petit message comme ça au réveil. Mais oui, rapide, hop, c'est gagné. C'est sympa, Marine. Eh ben super, merci à vous. T'as 20 ans, tu fais quoi dans ta vie, Marine? Je suis commerciale. Très bien, t'as un iPhone ou pas? Oui, bien sûr. Ah, et tu utilises Siri? Moi, je n'utilise jamais Siri, moi, en fait. Ah bah toujours, je lui parle tous les matins. Et alors, il te dit des trucs gentils? Ah bah oui, je lui demande qui est la plus belle, bien évidemment, il me dit moi. Oh, il est fort, ce Siri. MDR, lol. Oh, c'est pas gentil ce que tu viens de dire, Siri, MDR, ah ouais. Lol. Bon, bah, merci Marine, on t'envoie ton maillot de rugby de l'équipe de France. Merci à vous, bisous, salut. Marine. Ciao, ciao, ciao. Et attention, Siri, réveille les familles, c'est le réveil de star. Le réveil de star. Une star, une star, un appel. On écoute. Et ouais, c'est sur Skyrock. Alors, on a appelé un restaurant ouvert cette nuit. Et on va passer un petit coup de fil avec Siri. Ah bah allez, c'est parti, on y va. Allez, c'est parti. C'est action Siri. Siri au resto. Siri au resto. Allô. Bonjour monsieur. Bonjour, comment allez-vous? Ça va impeccable. J'ai un problème. Dites-moi. Je suis bloqué dans le corps d'un téléphone. Ah mince. Ta voix me fait vibrer. Ah bah tant mieux. Je parle plusieurs langues, j'ai envie de la tienne. Ah bah vas-y, viens. Je trouve que la connexion passe bien entre nous, surtout en Bluetooth. Ah, tu m'étonnes. Viens me déverrouiller avec ton doigt sale. Oh, avec ma grosse bite plutôt. MDR, lol. Mais elle est pas plus propre, hein, je te rassure. J'ai perdu mon trou à écouteur. Ah bah mince alors. Je vais t'en faire un deuxième, c'est pas grave. Je t'ai filmé nu avec ma caméra 4K. Oui, c'est possible, maintenant que tu me dis, j'ai vu quelque chose, ouais. J'ai 64 bits de puissance. Ah bah tant mieux. Mon détecteur de visage te trouve pas très beau. Ah bah il a raison, même moi je me trouve moche alors tu sais. Même avec les effets spéciaux de iMovie, j'arrive pas à rattraper ton look de merde. Ça passe. Je connais ton adresse grâce à mon GPS géolocalisé. D'accord, bah tant mieux. J'étais à la recherche d'un imbécile, ma boussole numérique m'a indiqué ta maison. Eh bah il a bien fait. C'est le roi des cons ici à l'appareil. Bonjour, je coûte au minimum 790 euros. Ah bah oui, je pense que c'est même pas cher pour une nuit. Hein. Sors ta carte bleue, je vais pas me commander tout seul. Eh ben y a pas de souci, moi on a de l'argent ici. Je retourne dans ma boîte, j'ai raconté assez de conneries pour aujourd'hui. Yeah. Allez, ça marche. Allez, bonne journée. Merci, bonne journée ma cool. Dans ta boîte, ma poule. Gros bisous chérie. Voilà, dans ta boîte. Gros bisous chérie. Et hop, dans la boîte Siri. Et c'est reparti. Siri dans la boîte. Ouais, bravo. Et le réveil de star, le prochain rendez-vous, ce sera dans une heure, peut-être une nouvelle star pour vous réveiller ce matin, on verra. Merci Siri en tout cas. Et puis merci beaucoup Siri. Sympa. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée Siri. À plus tard dans la matinée ou adieu. Voilà, oui. Et c'est vrai que le nouvel iPhone va coûter cher. Hein. Ah oui. On en reparlera dans le morning. On en reparlera dans le matinée. Nouvel iPhone. D'ailleurs, à gagner dans un instant, on va même en reparler tout de suite parce qu'on va vous l'offrir. L'iPhone 7, il est pour vous, il est sur Skyrock. Et on va parler de pubs ce matin. Quelles sont les pubs qui vous font rigoler? Il y a des pubs qui me font rigoler, c'est les pubs pour vieux, moi. Ah oui, moi aussi. Les pubs pour vieux qui passent sur France 2 ou France 3. J'en ai vu cet été parce qu'il y avait les JO et donc il y a de la pub et ils ont gardé les vieilles pubs qui passent dans l'année, tu sais. Ouais. On va regarder ça ensemble dans un instant sur Skyrock. Les pubs qui vous font rigoler, vous nous dites et on va jouer ensemble avec la pub mystère après David Guetta et Dangerous sur Sky. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. Don't know what you're thinking, sugar. Ooh, but I just got that feeling, sugar. Ooh, and I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So hold on tight. Show me your soul, I gotta know. Bet that you're beautiful inside. Toes on the grass, car moving fast. Come take the wheel and drive. David Guetta et son beau brushing. Perd ses cheveux, David Guetta. Je sais pas si vous avez remarqué. Quand ouais, ouais, ouais. Comment ça va, petit clown derrière. On est d'accord, Romano. Hein, ça, bah, au niveau capillaire, je m'y connais. Hein. Je suis d'accord avec toi. On fait son malin avec ses cheveux, tout ça, mais on les perd quand même. Ah hein, ouais, on fait la blondasse et tout ça. Mais David Guetta, sa brushing, le cheveu. Mais ça perd ses cheveux. Bon, en même temps, avec les sous qu'il a, je pense qu'il s'en fera remettre. Eh ben, il aurait déjà dû en faire remettre, David. David Guetta, c'était Dangerous sur Skyrock. Il est l'heure de jouer ensemble. Alors, parler des pubs qui font rigoler. Et des pubs qui font rigoler, moi, c'est des pubs pour vieux, moi. Moi aussi, ouais. Ah ouais, ça c'est marrant, ça. On en a une pour vous, là, d'ailleurs. Hein. À découvrir la pub mystère. Ça va pas être facile, écoutez bien. Mais c'est pas facile, mais il y a quand même l'iPhone 7 à gagner. Donc tentez le coup. Mm-hmm. En plus, comme c'est pas facile, si vous avez la bonne réponse, vous avez de grandes chances de gagner. Ouais. Et puis sinon, bah, essayez de la trouver au hasard. La bonne réponse, je vous donne les numéros, le 41-759 pour nous laisser vos messages. Et votre numéro de téléphone, vous le laissez bien juste après la bonne réponse. Et c'est la même chose avec l'appli Skyrock. Vous nous envoyez la réponse, mais d'abord, il faut découvrir l'invité mystère qui est une pub aujourd'hui. L'invité mystère. What? Alors, je vous fais écouter l'invité mystère. Écoutez la fin de la pub déjà, rien que ça me fait rigoler. De jour comme de nuit, sentez-vous en sécurité. Demandez votre échantillon gratuit en appelant le 3620 et dites... Prix d'un appel local et service gratuit. Qu'est-ce qu'il faut dire alors? Il faut dire un mot au numéro de téléphone qu'on va appeler d'ailleurs dans un instant. Il faut dire un mot et il vous envoie un échantillon gratuit. Ça devrait t'intéresser, Romano. Bah ouais, c'est intéressant des trucs gratuits, ça c'est. Alors, voici maintenant la pub en entier, mais bipée. De quoi parle-t-on dans la pub? Écoutez bien. Vous êtes un homme et vous souffrez de. Les laboratoires Coloplast ont créé spécialement pour vous la solution convine, discrète et confortable. Essayez-la en appelant le 3620 et dites. De jour comme de nuit, sentez-vous en sécurité. Demandez votre échantillon gratuit en appelant le 3620 et dites.

direct de 6h à 9h. C'est le morning de Default sur Skyrock. Eh oui, bonne journée sur Skyrock, il est 6h24 et on va offrir le premier iPhone 7 de la matinée. Merci, merci pour tous les messages. Vous étiez déchaînés avec notre jeu sur le problème mystère à découvrir ce matin. Une pub mystère plus précisément à découvrir. D'ailleurs, on va découvrir ça avec Guillaume qui est avec nous en direct de Tours. Bonjour Guillaume. Salut Guillaume. Bonjour, salut l'équipe. Ciao. Bienvenue sur Sky, salut, Guillaume. Salut. Bienvenue à toi à 6h24. Ouais, merci. Je vais repasser la pub bipée. Tu vas me dire de quoi il s'agit. Fallait découvrir ce qu'il y avait sous le bip de la pub ce matin. Pas facile. Et t'as été le plus rapide à trouver. C'est pas une pub pour un slip. C'est pas une pub pour un suppo. C'est pas une pub pour du Viagra. C'est pas une pub pour du caca qui sent du cucu quand on veut pas. Oh. C'est pas une pub donc pour la diarrhée. Oh. Écoutez non. Bien. Vous êtes un homme et vous souffrez de. Les laboratoires Coloplast ont créé spécialement pour vous la solution convine, discrète et confortable. Essayez-la en appelant le 3620 et dites. De jour comme de nuit, sentez-vous en sécurité. Demandez votre échantillon gratuit en appelant le 3620 et dites. Prix d'un appel local et service gratuit. Dispositif médical. Pour plus d'informations, consultez la notice et demandez conseil à votre médecin. Voilà, fallait bien écouter la fin parce qu'il ne s'agit pas d'une Kalachnikov aussi. Hein. Tu n'appelles pas le 3620 et tu dis pas Kalachnikov pour se sentir en sécurité. Non, non. Je précise. Et donc, Guillaume, il s'agissait de. Les fuites urinaires. De fuites urinaires, c'est mais oui. Ça. J'ai entendu ça sur la radio RTL dans un taxi un matin pendant les vacances. Et ouais. Vous êtes un homme et vous souffrez de fuites urinaires. Voilà. Les laboratoires Coloplast ont créé spécialement pour vous la solution convine, discrète et confortable. C'est gagné, Guillaume. Tu gagnes l'iPhone 7. Bravo, Guillaume. C'est cool. Merci, merci, merci. Bravo à toi. Bon, vous avez bien tenté le coup, les autres. Vous pourrez rejouer avec nous tout à l'heure aux alentours de 7h20. Je crois qu'on jouera un faux ou mytho tout à l'heure à 7h20 ou peut-être un invité mystère. On verra en tout cas un iPhone à gagner, un autre. Pour vous ce matin. Bravo Guillaume. Bravo. Merci, c'est cool. Je vous remercie tous. Tu en parles avec le tout nouvel iPhone. Grâce au pipi. Et grâce à ce que j'allais dire. Ouais. Grâce au pipi. <futurinaire. rire> Grâce au pipi. On t'envoie ça. On t'envoie ça à Tours, Guillaume. Non, mais c'est cool. Merci. Ouais, continuez comme ça. Tiens, écoute bien. On a quand même fait une petite connerie avec cette pub. On a appelé des gens. Mm-hmm. Et les gens leur a parlé de fuite urinaire. Bah, normal, comme la pub. Évidemment. En fait, on leur a remis la pub. Ah ouais. C'est un peu comme un réveil de star. On va dire, c'est un double réveil de star que vous avez eu ce matin entre 6h et 6h30. Écoute bien, Guillaume. Écoutez bien, tout le monde. Voici donc le réveil de la famille de Jean-Luc. C'est la famille de Jean-Luc qu'on réveille ce matin. Allez. Allez. Avec la petite pub des fuites urinaires. J'espère que ça va leur faire plaisir, que ça va leur rendre service. Bah, c'est certain. Je suis sûr, oui. On y va. Alors. Allô ? Ah. Vous êtes un homme. J'ai affaire à qui, là ? Votre médecin. Vous êtes qui ? 3620. C'est quoi 3620 ? Et dites fuite urinaire. Fuite urinaire, non mais vous rigolez ? 3620. Bah c'est qui 3620 ? Bon bah écoutez, on est sans arrêt comment sollicité par des personnes qu'on ne connaît pas, à peine masquées tout le temps, ça commence à bien faire. Mais dites-moi qui vous êtes. Fuite urinaire. Oh non mais. Bon écoutez, je vous passe mon mari. Bah, très bien, oui, parce qu'un monsieur qui s'appelle fuite urinaire, c'est bizarre. Ouais. 3620, fuite urinaire. Allô ? Vous êtes un homme. Ouais. Et vous souffrez de fuite urinaire ? Non. Demandez votre échantillon gratuit en appelant le 3620 et dites fuite urinaire. Ah, fuite urinaire, si tu veux, allez. Dites fuite urinaire. Fuite urinaire. De jour comme de nuit, sentez-vous en sécurité. Ah bah de jour comme de nuit, bien entendu. Bon bah tant pis, je raccroche, hein, vous avez appelé pour rien. Hein. Prix d'un appel local et service gratuit. Oui, bah je crois que je vais pas reconnaître ta voix. Votre médecin. Oui, oui, d'abord. Convine, discrète et confortable. Bon bah allez, au revoir. Et vous souffrez de fuite urinaire ? Oui. Hey. Voilà. Ouais. Allez. C'est quoi convine, Cariole ? Toi, tu connais un truc de maladie ? C'est de quoi ? C'est des couches, c'est quoi ça ? Je sais pas. Parce qu'on sait que fuite urinaire, ça doit être des couches, ouais. Ouais, ou un cachet pour arrêter les fuites urinaires, ouais, peut-être. Je pense que c'est des couches, moi. Tu penses que c'est des couches ? Ouais, je pense. Avec le laboratoire Coloplastron. Les Coloplastron. Ou les culottes absorbantes, là. Ah, des culottes absorbantes. Oh, j'en veux une. Pas mal. Ouais. Bon, merci à la famille. Et bravo, Guillaume. Bonne journée à toi, Guillaume. L'iPhone 7, tout est aujourd'hui. Oui, il est temps qu'un nouveau téléphone arrive parce qu'on commence à te perdre là. Le nouveau, il est pour toi. 6h28, les infos arrivent aussi. C'est l'heure d'en trouver Drake juste avant avec Rihanna. Rihanna, c'est too good. C'est too good, c'est comme le morning, c'est pour vous sur Sky. Aïe aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe aïe. Love. I don't know how to talk to you. I don't know how to ask you if you're okay. My friends always feel the need to tell me things. Seems like they're just happier than us these days. Yeah. These days I don't know how. how to talk to you. I don't know how to be there when you need me. It feels like the only time you see me is when you turn your head to the side and look at me differently. Yeah. And last night, I think I lost my patience. Last night, I got high as expectations. Last night, I came to a realization, and I hope you could take it. I hope you could take it all. I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. Years go by too fast. I feel bad for asking. It can't end like this. We gotta take time with this. Cock up your bomba, sit down, bonita. Let me see if this is something I can fix. Yeah. You got somebody other than me. Don't play the victim when you're with me. Free time is costing me more than it seems from you. I put my hands around you. Gotta get a handle on you. Gotta get a handle on the fact that I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. Le son de Drake avec Rihanna derrière. C'était Too Good, il est 6h30 sur Skyrock. Too Good, 1 500 € à gagner. C'est pour vous, c'est tombé hier d'ailleurs encore hein. À Montpellier, on était chez Dalila, qui va s'acheter un lave-vaisselle avec les 1 500 €. Oui, déjà, une bonne, un bon achat. Et en plus, il restera de l'argent pour offrir à la famille. Bah écoutez, de l'argent à gagner. C'est si vous répondez Skyrock, c'est dans un instant sur Sky. Préparez-vous, juste après, les infos. On va faire le point avec Rémi, puis on prépare aussi du son pour se réveiller dans un instant. Soprano, qu'on vous offre dans la roulette, des places de concert hein. 200 places de concert, on a à vous offrir d'ailleurs. Pour la grande tournée de Soprano avec Skyrock. Soprano dans toute la France, on écoute le Diable, Sabine Puyen Prada, on se fera un Pitbull, un Florida, également du Zao, du MHD, tout ça avant 7h du matin. Mais tout de suite, c'est parti pour l'actu, c'est parti pour les infos avec toi Rémi, avec des grosses nouvelles de la météo. Ça y est, record battu. Et il va faire chaud aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, ouais. Le mercure grimpe en flèche. Et puis la météo, bah, il fait beau aujourd'hui. Grand soleil partout, y compris en Ile-de-France. Attention quand même au brouillard là ce matin, principalement au nord de la Seine et en Bretagne. Donc les températures de 12 à 17 dans les terres, de 15 à 20 le long des côtes. Au meilleur de la journée, il fera de 26 à 29 dans le nord, de 27 à 31 en moyenne dans le sud. Ça va même grimper dans le sud-ouest, entre 35 et 36 attendu entre Bordeaux, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Pau. Voilà, il va faire très très chaud dans le sud-ouest. Et puis la pollution, c'est moyen, les indices compris entre 3 et 4. Ça monte à 5 sur Paris, Metz, Nîmes, Marseille, Montpellier et Montauban. On va parler petit-déj ce matin, vous allez me dire, ça tombe bien, c'est le morning. Hein. Dans les conseils pas chers, petit-déj et ouais. Tout de suite l'actu et le sport. Et les bleus qui calent d'entrée, c'est à la une du Parisien ce matin. L'équipe de France a concédé le nul 0-0 contre la Biélorussie et ça fait un petit peu désordre quand même. On jouait dans le cadre de la qualif pour le mondial 2018. Ça a été mieux en deuxième période, mais les 45 premières minutes ont clairement été décevantes. Pour l'instant, c'est la Bulgarie qui est en tête du groupe à l'issue de cette première journée. Les Bulgares qui ont dominé le Luxembourg 4-3 et qui seront nos prochains adversaires le 7 octobre. Seuls les premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le mondial. La Suède et les Pays-Bas se sont neutralisés un but partout. Mauvaise entrée en matière pour le Portugal qui s'incline sans Ronaldo 2-0 face à la Suisse. Après les producteurs de lait, ce sont les éleveurs de bovins qui montrent leur colère. Ils accusent la grande distribution et principalement Carrefour de sous-payer la viande bovine en France. Plusieurs opérations coup de poing sont prévues aujourd'hui devant les supermarchés. Mobilisation attendue à Paris, Lyon ou encore à Clermont-Ferrand. Plus d'un Français sur 10 qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Résultat d'une étude de l'INSEE publiée hier. Le taux de 14% de la population reste stable par rapport à l'an dernier. 8,8 millions de personnes vivent avec moins de 1000 euros par mois dans notre pays. Les chômeurs et les familles monoparentales sont les plus concernés. Une première réaction de Nicolas Sarkozy. Le candidat à la primaire de la droite et du centre est menacé d'un renvoi en correctionnel. Cela concerne l'affaire Big Malion et ce financement présumé illégal de sa campagne en 2012. L'ex-président a tenu un meeting hier à Poissy dans les Yvelines. Il estime que les non-lieu passe et que le train continue. Il a dit, je cite, « Aucune manipulation, aussi odieuse soit-elle, ne me détournera de ma volonté. » Voilà. Embrouille aussi, mais chez les anciens bleus, et on parlera aussi des JO. Ouais, Nicolas Anelka qui s'en prend à Lilian Thuram. Il a posté une photo où il compare Thuram à Samuel L. Jackson dans le film Django Unchained. Alors, il joue le rôle, hein, Samuel L. Jackson, d'un esclave noir pris pour un traître car il est d'accord avec les thèses de son maître, joué par Leonardo DiCaprio. Anelka compare donc Thuram à un traître sans expliquer le pourquoi du comment. On en saura peut-être plus dans quelques heures ou en en quelques jours, mais il avait l'air quand même en colère hein, sur ses réseaux sociaux. Et puis 126 Français pour 11 jours de compétition. Coup d'envoi la nuit prochaine des Jeux Paralympiques avec de vraies ambitions de médailles pour la délégation française. Elle sera représentée dans 17 des 22 disciplines au programme. Merci. Ah oui, c'est vrai, ça démarre les Jeux Paralympiques. Ben ouais. Merci Rémi pour les infos. On te retrouve tout à l'heure à 7h. Il est 6h34 sur Skyrock. En direct de l'appart. C'est le morning de Default sur Skyrock. The morning show. Et le morning qui vous offre 1 500 € toutes les demi-heures, c'est nous, c'est sur Skyrock. Bienvenue à vous tous et à vous toutes. Si vous venez de vous réveiller, vous tombez bonjour. Bien. Vous tombez à l'heure des 1 500 €. Bonjour Romano. Et toi, tu es prêt pour tes conseils pas chers ce matin? Conseils pas chers, petit déjeuner. En oui. même temps, c'est bon, c'est l'heure. Hein. C'est bien que c'est l'heure où il faut le faire. Hein, mais d'ailleurs. Les petits déjeuners coûtent de plus en plus cher. Oui, tu nous as fait une étude sur le prix des petits déjeuners. Restez bien là, vous allez savoir combien coûte de plus le jus d'orange, le beurre, le sucre, le café. Il y a le cacao, si tu m'as dit. Le lait aussi. Et, ouais. et le lait, tout augmente. Vous en saurez plus et vous aurez en plus derrière une idée pour gagner de l'argent. C'est ça qui est magique avec toi. C'est les conseils pas chers. En direct live. Mais bien sûr, en direct live, comme tout le morning d'ailleurs. Pouvez-vous ouais. aussi débarquer en direct live sur Skyrock. J'espère dans quelques secondes quand on va ouvrir l'enveloppe des 1 500 €. Sinon, tiens, dites-nous ce que vous prenez au petit déjeuner. Ça va nous donner faim, ça. Bah, moi, j'en suis à 2 cafés et 1 iced tea pour le moment. Moi, j'en suis à 2 cafés et 1 coca. Voilà. Et je vais bientôt prendre mon 2e coca de la matinée. Non, en ce moment, je mange du brownie, sinon, au petit déjeuner. Moi, ce matin, j'ai mangé de la dinde, comme ton chien. Hein? Ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai fait de la dinde comme ton chien. C'est trop mignon. Hein. Oui, bah, oh, je vois encore, il y en a des contents parce que je me compare à un chien. Et demain, j'en amène, j'en mets dans une gamelle, je mange à 4 pattes. Non, Carole, je pense que je me tape Carriole dans la matinée. Carriole te le donnera, main à la main, comme ça. Elle te le mettra à la bouche. Mignon. Mais c'est en tranche, comme ouais, pour les ouais, chiens. Ouais, comme pour les chiens, ouais. Oh, c'est mignon. Oui, de la dinde. Non, mais tu sais quoi, c'est notre chien qui mange de la dinde, Carriole. C'est pas tous les chiens qui mangent des tranches de dinde. Non, mais parce qu'il a le droit qu'à ça, lui. Oui, parce qu'il a un régime alimentaire. Bah ouais, ouais le chien, c'est ça quand on vieillit. Hein. Le chien va me coûter un bras jusqu'à sa mort. Et il boit de l'eau minérale, il a plus le droit de boire de l'eau du robinet. C'est vrai. Bah ouais, ça lui file des trucs après. Bon, alors, qu'est-ce que vous bouffez ce matin? Tranche de pain, confiture, Nesquik, Chocapic. Super ça. Bah, classique. Tu vois, c'est Charlotte qui nous envoie un message. Ça me va très bien ce que tu es en train de bouffer là. Tu vois, sinon cet été, je mangeais pas mal de croissants. Ouais, ouais j'aime croissant, bien. Croissant à la crème. Moi aussi, croissant à la crème. En Italie, ils font des bons croissants à la crème. Allez. Bon, vos messages au 41-759 et sur l'appli Skyrock. Ça, c'est pour réagir dans l'émission. Vous nous envoyez tout ça pour jouer aussi pour les iPhones qu'on vous offrira tout à l'heure. Et puis, nous, on a aussi un téléphone et on va vous appeler. C'est l'heure des 1 500 € en direct. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. C'est Skyrock. 1 500 € dans ta poche. Oh putain, c'est trop bon. Maintenant. Et un joint, ça marche au réveil comme petit déjeuner. C'est Yanzo qui nous envoie le message. Éventuellement pour retourner te coucher juste derrière. Ou alors si t'es plombier. Ouais, voilà, ouais. À la limite, si t'es plombier. Bon, allez, c'est parti. Et... Alors, attention, ouverture de la première enveloppe en ce mercredi matin. Oui, quelle excitation, Romano, qu'il est excité, il n'arrive plus à parler tellement excité. Ah, j'en peux plus. Allez, vas-y, ouvre l'enveloppe. On va aller où ce matin pour offrir 1 500 €? Le premier rendez-vous de la matinée. Direction Poitiers. Allez, les Poitevin, c'est parti. Et c'est Catherine Le Guillou. La famille Le Guillou. Les Le Guillou. Oh, Émilie n'est pas contente. Émilie nous dit, moi je mange des 1000 pops car mon frère a déjà fini les Chocapic. Ah, attention, c'est la guerre. Embrouille de famille à cause du petit-déj là. Et là, c'est Catherine Le Guillou. Oui, Catherine Le Guillou, ça sonne. 1 500 € à gagner. La Poitevine. Si elle répond Skyrock, bien sûr, pour l'instant ça sonne, ça ne répond pas. Et Catherine Le Guillou. Alors, les Le Guillou. Ça fait 5 sonneries en plus. Là. Ah, c'est ah bon. Bah si, tu es là, Catherine. In extremis, Catherine. Bonjour, Catherine. Oui. C'est Madame Le Guillou. Nous, c'est la radio, Catherine. On est en direct à la radio et on t'appelle ce matin pour t'offrir des sous. 1 500 €, Catherine Le Guillou. C'est une plaisanterie. Mais pas du tout. C'est votre nom, Le Guillou. Pas du tout. C'est la radio et il faut nous dire quelle est ta radio préférée, Catherine. Ah. si t'as la bonne, Catherine, t'as compris maintenant. Hein. Si t'as la bonne, tu gagnes 1 500 €. Alors? Ma radio préférée. Oui. Alors, celle que j'ai dans la voiture, c'est Nostalgie. Oh. Ah, pas tout à fait. Hein. Pas tout à fait. Celle que j'écoute très souvent, c'est Virgin. Non plus, non et plus, pas tout à fait sinon, non plus. Ben, celle que je préfère, enfin j'aime bien RTL2 aussi. Oui. De toute façon, j'écoute toutes les radios. Sauf Skyrock. J'écoute toutes les radios, sauf la nôtre, Catherine. C'était Skyrock au téléphone. C'est Skyrock. Mais ah oui, non, Catherine. C'est pas ma radio. Bah c'est, mais je vois désolée, ça, Catherine. C'est un peu trop jeune pour moi. Bah écoute, il n'y a pas d'âge. Exactement, il n'y a pas d'âge pour en manger du Skyrock. c'est ce qu'on dit. Bon, on te fait un bisou, Catherine. Donc la prochaine fois, on t'appelle. Tu réponds Skyrock, tu gagnes 1 500 €. C'est tout simple. C'est encore tombé hier. On appelait une Montpellier. Tiens, écoute ce qui s'est passé hier, Catherine. Écoute bien. Oui. Nous, c'est la radio, Dalila. Salut, Dalila. Salut. Et on a 1 500 € à t'offrir ce matin. Et c'est Skyrock. Mais oui, c'est Skyrock. Ouais, Dalila, tu viens de gagner. Dalila, tu viens de gagner 1 500 € sur Skyrock en direct. Bien joué. Mais si, c'est ta journée, Dalila. 1 500 € comme ça dès le réveil en écoutant Sky. Non, mais c'est pas possible. J'ai pas gagné 1 500 €. J'y crois pas. Tu vois, Catherine, tu fais comme Dalila qui a gagné hier matin et hop, 1 500 € dans la poche. D'accord. Bon, mais je suis désolée. C'est pas grave. On te fait un gros bisou. Au revoir, Catherine. Gros bisous. Bonne journée. Salut, Catherine. Ciao. Au revoir, Catherine. Ciao. Et voilà, encore une auditrice qui va venir nous rejoindre. Ça n'arrête pas. Allez. Tous les matins comme ça. Une de plus. Allez, dans une demi-heure, 1 500 €. J'espère que ce sera pour vous. 1 500 € à gagner tous les matins dès le réveil, toutes les demi-heures sur Sky. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Et la famille Skyrock, promet sur son plan. Monsieur, avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille du plus généreux. Mais l'époque a changé. L'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. L'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le job s'habille plus en Prada. Le job s'habille plus en Prada. Le job s'habille plus en Prada. Le job s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches. Lui ont pris sa femme et ses bosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe. Depuis qu'on lui a pris son job. Monsieur, les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes vœux. Certains exercent leur folie meurtrière au nom de Dieu. Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu. Certains pays rétrécissent, mais bon, restons silencieux. L'enfer n'est plus chez moi, mais bel et bien chez vous, monsieur. Mais l'époque a changé. L'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. L'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le job s'habille plus en Prada. Le job s'habille plus en Prada et Soprano a gagné dans la roulette tout à l'heure. On vous offre Soprano les places de concert pour aller le voir avec la tournée Skyrock dans toute la France. Ça démarre en 2017 et on a déjà des places pour vous. C'est pour vous à gagner. Ah, Red Bull dès le matin. Ça m'est arrivé des fois, la Red Bull dès le matin. J'ai un peu arrêté, Ivad. Sinon, je suis un peu trop au taquet, mais pas mal, Red Bull dès le matin. Ah, bah, c'est que la vodka. On parle de votre petit déjeuner. Romano, c'est la vodka dès le matin, oui. le lait ricoré, BN. Et c'est mon petit déjeuner. Eh ben, c'est bien noté. C'est Romdé qui nous envoie un message. Il est où, lui? Dans le 62. Salut le 62. Salut la France. Je mange très peu le matin, nous dit Adriano. Vu que je mange que diète. Ah, tu es en train de faire un, régime. Ouais. Jules du 02, verre de jus d'orange. Et c'est parti. Ça te suffit pour te réveiller, toi, le matin. Parfait. Café, 4 fromages blancs pour les muscles. Car beaucoup de sport. C'est Cédric, pas le nôtre, hein, qui nous envoie un message. Merci, Cédric. Théo, des barres de céréales. Moi, du lait et une banane. Ah, ça, c'est bon pour la santé. C'est Kendra, 14 ans, qui se réveille avec du lait et une banane. Ah, dégueulasse, une banane. Une fille, évidemment. Une fille qui mange une banane. C'est pas dégueulasse, hein. Ah, c'est ignoble. C'est pas parce que t'aimes pas que c'est dégueulasse. Ça m'énerve, ça. Ah, les gens qui disent c'est dégueulasse? Ouais. Si, c'est dégueulasse, c'est immonde. Allez, les conseils pas chers qu'on va retrouver. Alors, tout de suite. Les attention. Les déjeuners coûtent de plus en plus cher. Tout le monde à table. Ouais, allez, à table, tout le monde. À la maternelle, ils carottaient déjà des couches. En primaire, des Pokémon. Je te laisserai pas me voler mes Pokémon. Au collège, des portables. Au lycée, des capotes. Et aujourd'hui, la France entière. Oui, ben vous voulez que j'appelle les flics ? Romano, le roi des escrocs. Alors, comme le petit déjeuner coûte cher, Romano a une idée pour faire que ça coûte moins cher. Mais combien d'augmentation pour le lait, pour le café, pour le cacao, pour le sucre ? Et tout ce qu'on met dans le petit déjeuner, du beurre aussi. Alors attention, la plus grosse augmentation, c'est le jus d'orange. Le jus d'orange, tu vois Jules, toi qui te prends un jus d'orange, t'es pas le seul à avoir laissé un message. Ah bah tu vas arrêter vu les tarifs. Ça coûte cher le jus d'orange. Plus 32%. Ah quand même. Ouais. Bah, parce que je crois qu'on est en sous-production mondiale d'orange, donc forcément, vu qu'il y en a moins, ça coûte plus cher. Plus 32%. Ça veut dire que si le jus d'orange te coûtait 1 euro, Cédric, il est à combien aujourd'hui? 1,30€. Et 32. Ah ouais. Ouais, ouais. Ah bah oui, bah il faut être précis Cédric. Bah oui, 1,32€. Alors le cacao, 9,99% d'augmentation, autrement dit 10. Ouais, autrement dit 10%. Le café, 14%. Ah alors, cher le café. Le sucre, 25%. Tout ça depuis le 1er janvier, les augmentations des cours du lait, du café. T'as dit quoi là, le sucre? Le sucre, 25%. 25% le sucre. Ah ouais. Le beurre industriel, 11%. Ouais. Et le lait, ça a baissé un peu, moins 10%. Ah bah buvez du lait. Bah voilà. Ah voilà. Buvez du lait, c'est Lactalis qui s'en met plein les poches, profitez-en. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, alors ce matin, le moyen le plus simple pour prendre un petit déjeuner gratuit, pas cher, oui, c'est d'appeler les familles et leur demander de se faire inviter, tout simplement. Bah, tu réussiras à te faire inviter par les familles pour prendre un petit déjeuner ce matin. Eh bien, c'est ce qu'on va tester tout de suite. Ouais. C'est parti avec vos conseils pas chers. Alors, c'est qui? Chez Pascal. Pascal, ah bah, ravi de se faire sa connaissance. Allô? Oui, bonjour, c'est Pascal? Oui. Oui, bonjour, comment vas-tu? Mais qui c'est à l'appareil? C'est Monsieur Lapince d'Ivoire. Je lisais le journal ce matin, là, et j'ai vu que le petit déjeuner avait vachement augmenté au niveau du prix. Est-ce que je pourrais venir prendre le mien chez toi? Pascal? Non, t'es tombé sur un radin. Ah putain, il lâche rien, lui. Pascal, un verre de lait. C'est ce truc qui a baissé. Oui, à la limite, tu peux lui demander un verre de lait, ça a perdu 10%. Ouais, ouais, je vais demander un jus d'orange. 32% l'augmentation, c'est ça. Ouais, demande un jus d'orange et puis du sucre. Bah ouais, je vais mettre plein de sucre dans le jus d'orange. C'est les deux trucs qui ont le plus augmenté. Profites-en, Romano, si on te l'offre. Je vais mettre un peu de café dedans. Oui. Allô, Michel? Oui, bonjour, c'est Michel? Oui, non, mais qui est à l'appareil? Eh ben, c'est Monsieur Lapince, Michel, pas de panique. D'Ivoire, t'as pris ton petit déjeuner ce matin ou pas encore? Non, merci, je suis désolé, j'ai pas la plaisanterie ce matin. Oui, non, mais c'est pas une plaisanterie, le petit déjeuner. T'as mangé ou pas encore? Je vais manger. Ah bah voilà, bah tu m'attends, j'arrive. Oui, sûrement. Ah bah, je suis là dans 5 minutes. Oui, alors c'est qui le nom là au bout? C'est Monsieur Lapince. Donc oui, j'arrive dans 5 minutes, je prendrai un jus d'orange avec oui, beaucoup de morceaux de sucre et du cacao également. Allez, bonne Pâques, bonsoir. Non, bonjour, et un café. Non, mais c'est bonne Pâques. Double blague, double punchline ce matin. Bonne Pâques et bonsoir à 6h46. Eh ben voilà. Elle était bonne ça. Il est pas fort lui. Excellente. Ah, il est pas fort. Je pense que je vais rigoler pour mon petit déjeuner avec lui. Ah bah, ouais. Il t'en a proposé un. Romano, tu vas le prendre? Bah, je vais y aller. Allez, bah, sans c'est sans problème. Bon petit déj à vous aussi. Et bon réveil. Dans un instant, on va parler d'un truc qui va vous intéresser, ça j'en suis sûr. Il y a des gens qui vous font flipper quand vous les croisez. Des comportements de certaines personnes qui peuvent vous faire flipper. Ah oui, oui. Genre par exemple quelqu'un qui te regarde de haut en bas dans les transports, Cariole. Ah ça c'est horrible, ouais. Ça absolument, oui. Ah ouais. Je vous précise quand même, si vous êtes des nouveaux et des nouvelles nouveaux auditeurs et nouvelles auditrices de Skyrock, que Cariole est un petit peu paranoïaque. Un petit peu. Donc il suffit que quelqu'un la regarde un petit peu comme ça, là, voilà. Tu vas me dire, moi s'il me regarde comme ça aussi, je peux flipper. Ah c'est un pervers, si absolument, me regarde comme ça. On va faire le sondage du jour tous les matins aux alentours de 6h50, donc dans 5 minutes à peu près. Le sondage du jour qui arrive aujourd'hui, le sondage sur les comportements des personnes qui font flipper. On va vous dire tout ça dans un instant. Vous pouvez nous dire si vous avez déjà rencontré des gens qui vous ont fait flipper. Là, vous nous envoyez vos messages sur l'appli Skyrock au 41759 ou avec le hashtag Morning de Difool aussi. Ouais. Vous nous envoyez tout ça et on va découvrir donc ce sondage du jour dans 5 minutes, même pas. Avant ça, du son à écouter. Et le gros son de Pitbull et de Florida. Et puis votre horoscope de l'amour. L'horoscope qui arrive dans moins d'une minute sur Skyrock. Ça, c'est quoi? Bah, des tomates. Oh, génial. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est du persil. Du persil? Mais je voyais pas du tout ça comme ça. Et là, tu vas planter quoi? J'hésite, mais tu me fais penser à un truc. Ah bon, à quoi? Une courge. Tu veux créer ton potager sans prendre la tête et même sans rien y connaître? Télécharge Je Jardine, l'appli du potager 100% gratuite, 100% pratique. Avec Je Jardine, tu fais pousser ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux. Je Jardine est une initiative du Crédit Agricole. Le Happy 55e anniversaire Auchan continue. Oh, pourvu qu'il y ait une console en promo. C'est bien pour l'offrir à notre ado. Oui, oui, bien sûr. Jusqu'à mardi chez Auchan, la console Xbox One 1 Tera est à 299€. En plus, avec votre carte Auchan, 100€ sont crédités sur votre compte Wahoo. Ça fait 199€ cagnotte déduite. On peut lui en prendre une, hein, chérie. Et profitez-en aussi sur Auchan.fr. Auchan, la vie que j'aime. Ton 21 centimes d'éco-participation, quantité limitée à 4000 consoles, voire conditions sur Auchan.fr. Happy égale heureux.

Skyrock, Pitbull et Florida. On écoutait Green Lights à 6h53 et c'est l'heure du sondage du jour. Le sondage du morning de Difool sur Skyrock. Le sondage du jour qui concerne les comportements qui font le plus flipper. Il y a certaines personnes qui ont des comportements qui sont très bizarres et qui vous font flipper. Des messages qui sont arrivés d'ailleurs depuis tout à l'heure. On salue Mendoza, elle a 20 ans, elle travaille en caisse. Je travaille en caisse tous les jours et il y a un type qui passe à la caisse. Il parle jamais mais il me fixe. Oui, je parle pas mais je te regarde. Voilà un comportement qui peut faire flipper. T'as raison, Mendoza. Oui, bonjour. Ah ouais, un autre, ouais, je comprends là. C'est Zou56. Moi, il y a un mec qui m'a caressé la cuisse dans le bus. Ah oui. Ah ouais. Un inconnu te caresse les cuisses. En effet, ça aussi, ça peut faire flipper. Eh bien, je les écarte. Oh, oh non, Cariole. Oh, magnifique. Bah oui. Mathias Arouan nous dit, il y a un fétichiste des pieds. Il passe, il dit aux filles, je peux m'allonger, regardez vos pieds. Non. Et il nous rajoute, Mathias, ça fait peur. En effet. Oui. Ouais, un peu, ouais. Et on fait un gros bisou à la, non, on va faire un bisou à Guigui, pas à ta belle-mère. Hein. Parce que sa belle-mère à Guigui, elle a plus de dents et elle le fait flipper quand elle le regarde. Hein. C'est horrible. C'est toi, Cédric, qui t'es sorti avec une édentée? Bah, t'es pas édenté. Bah, t'es pas édenté, il avait trois dents. Bah, ouais. Ah, elle avait les dents du bonheur. Bah, ouais, du bonheur, elle en avait une, deux, trois. Je peux dire qu'elles étaient écartées, les machins. Ah, bah, elle était sacrément heureuse. Ah, bah, elle était très heureuse avec ses dents. Ouais, elle avait deux dents sur le râtelier, quoi. Oui. Bon, attention, voici donc le classement des comportements qui font flipper ce matin. Bon, je vous donne tous les chiffres. En 8, quelqu'un qui se lèche les lèvres peut faire flipper les gens. Ah, ouais. Bah, ça dépend comment c'est fait, quoi. Si c'est un gros sadique qui arrive, il je lèche les lèvres. C'est des chercheurs américains qui ont fait cette étude sur les gens. Quelqu'un qui parle tout seul en 7. Ah oui, oui, oui, c'est clair. Ah, ça te fait flipper, ça. Ah, ça peut faire peur, ouais. Tu parles jamais tout seul, toute seule. Moi, jamais, non. Jamais. Romano, toi, tu parles tout seul, non? Ouais, mais quand je fais des trucs, je parle, ouais. Ouais, tu dis, mais tu dis quoi? En fait, il dit ce qu'il est en train de faire. Ouais, c'est ça. Je suis en train de boire un café. C'est ça, il me rend dingue aussi. Je suis en train d'écrire dans mon agenda. Je suis en train d'écrire dans mon agenda. Là là. Oh, je suis en train de faire pipi. Oui, non, mais c'est ça. Je suis en train de chier, tiens. Romano, tu peux faire flipper. Bah, non, mais je le fais pas dans la rue. 6, quelqu'un qui parle beaucoup de sexe. Absolument, oui. C'est vrai qu'un inconnu qui vient vous voir et qui vous fait oui, oh là, ce matin j'ai fait des trucs, je suis allé sur YouPorn. le vrai t'inquiète. 5, attention Cédric, tu peux faire flipper les gens. Quelqu'un qui a les cheveux gras. J'ai pas les cheveux gras, moi. C'est vrai, quelqu'un peut. Moi j'avais un prof, il avait les cheveux gras. C'était mon prof de latin. Monsieur Décu, il s'appelait. Ouais, il avait une raie, il avait les cheveux gras et il était flippé, ouais. Ouah, là, tu veux que je me fasse une raie, dis fou. Non, merci. En 4, attention Cédric, quelqu'un qui a la peau flasque. Ah bah Cédric, pour le moment, t'en as déjà pas mal, hein. Et on va passer maintenant au tiercé de tête. Attention, numéro 3. Numéro 3, les comportements qui font flipper ou les attitudes qui font flipper ou un look qui fait flipper. Quelqu'un qui a les ongles très longs et très sales. Bah, ça fait un peu sorcière, quoi. Ouais, ou sorcier d'ailleurs. Ouais, oui. Ou gros cradingue d'ailleurs. Oui, je vais te griffer. Les ongles longs et sales peuvent faire flipper. En numéro 2. Numéro 2, quelqu'un qui a un regard particulier qui vous fixe avec notamment des yeux globuleux. Cédric, encore une fois de plus. Cédric, tu fais flipper, je te le dis. Et attention. Numéro 1. Le numéro 1, les comportements qui font flipper, le comportement qui fait le plus flipper, quelqu'un qui se tient trop près de vous, qui rentre dans votre espace vital. Par exemple, dans un bus. Oui, ouais, je me colle à toi. S'il y a personne dans le bus et que le mec se colle à vous, je peux comprendre que ça vous fasse flipper. Viens. Voici donc l'étude des chercheurs américains. Ils ont testé ça sur des gens. Le sondage du jour, les trucs qui font flipper, quelqu'un qui se tient trop près de vous, un regard avec des yeux globuleux et quelqu'un qui a les ongles sales et longs. Mais attention à Cédric. Hein, voilà, je suis dans les parages. Oui, je vois ça. Merci pour le sondage du jour. Il est 6h56 sur Skyrock. Et 1 500 € à gagner dans un instant. Zao et MHD, écoutez, avec Laissez les Kouma. C'est le son qui arrive tout de suite. Allez, on se le fait tout de suite. Ouais. Et puis les infos avec Rémi, on fait le point sur l'actu aussi. Bonne journée, bon réveil, bon mercredi. C'est Skyrock, le morning. Concert. Comme toi, Nekfeu a lui aussi choisi Skyrock. C'est Nekfeu sur Skyrock. Le phénomène Nekfeu. Le 1er décembre à l'Accor Hôtel Arena de Paris avec Skyrock. Viens retrouver Nekfeu à Paris avec Skyrock. Plus d'infos sur Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Attention, nouveau message de Bouygues Télécom. Je t'écoute. En ce moment, la Bibox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an, wow, au lieu de 26,99€. 14,99€. Avec l'accès à des applis Android TV, oui, dont YouTube, oui, et Netflix. Mais attends, tu vas un peu vite, j'ai pas eu le temps de noter. Normal, c'est du haut débit. Chez Bouygues Télécom, la Bibox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3€ par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité.

Biarritz, de Pau, de Saint-Jean-de-Luz. Il va faire très très chaud, donc dans le sud-ouest, faites attention, hein, parce que voilà, des fois la température très haute, ça peut aussi être dangereux. La pollution et ses moyens, les indices compris entre 3 et 4, ça monte à 5 sur Paris, Metz, Nîmes, Marseille, Montpellier et Montauban. Voilà pour la météo et pour le reste de l'actu, c'est tout de suite l'actu et le sport avant vos 1 500 € sur Sky. Quelle surprise pour les nouveaux iPhones, c'est dans quelques heures qu'aura lieu la fameuse keynote d'Apple pour annoncer ses nouveaux produits. Deux téléphones vont sortir, à savoir l'iPhone 7 et le 7 Plus. Le bouton principal en bas, le Home, devrait être entièrement tactile. Il reconnaîtra bien évidemment l'empreinte digitale. On pourra peut-être écouter Skyrock via l'application avec des écouteurs ou un casque sans fil. C'est une rumeur, mais quand on sait qu'Apple a racheté la marque Beats by Dre, qui fait des casques sans fil, eh bien ça peut prendre tout son sens. La qualité des photos sera bien supérieure aussi. C'est le 7 Plus aura peut-être même encore une longueur d'avance. Terminé les modèles 16 Go, on passe direct à 32 dans la version minimum. Côté design, le 7 devrait être plus fin avec une nouvelle couleur proposée, à savoir noir spatial. Enfin, le prix, et là ça pique, puisqu'il sera notamment normalement compris entre 710 et 1060 euros. Eh ben, il est gratuit sur Skyrock, on vous l'offre tout à l'heure à 7h20. On jouera à Info Mytho ou à l'invité mystère, on va voir. Tiens. Deux départements en alerte pour les incendies, cela concerne les Landes et la Gironde. On l'a dit, il allait faire très chaud là-bas cet après-midi. L'accès aux forêts est strictement interdit, tout comme les chemins ruraux et les pistes cyclables. Les bases de loisirs restent ouvertes au public. Trois personnes en garde à vue après l'agression de deux surveillants pénitentiaires à la maison d'arrêt du Val d'Oise à Osny. L'agresseur principal a déjà été entendu. Les enquêteurs veulent savoir s'il avait une éventuelle connaissance du projet. Les deux surveillants ont été pris à partie dans une unité spéciale pour détenus radicalisés. Les syndicats demandent plus de moyens et souhaitent un rendez-vous avec le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Pas de doute, Emmanuel Macron est bel et bien un caillou dans la chaussure de François Hollande. Les derniers sondages ne sont pas glorieux pour le président. Il serait devancé dans tous les cas de figure au premier tour et même par son ancien ministre. Emmanuel Macron se place troisième dans les intentions de vote derrière Marine Le Pen et le candidat des Républicains. On fait le point sur le sport maintenant avec les Bleus. Les Bleus au ralenti. Et puis des nouvelles du tennis. Est-ce que Lucas Pouille est passé ou pas? Ah, mais les Bleus se sont heurtés en tout cas au mur biélorusse. On jouait dans le cadre de la qualif pour le Mondial 2018. Ça a été un petit peu mieux en deuxième période. Mais les 45 premières minutes ont été longues et décevantes. Ouais, les hommes de Deschamps ont manqué un petit peu de tout. Il faudra faire mieux dans un mois, le 7 octobre. On a confiance. Prochaine rencontre contre la Bulgarie qui s'est imposée 4-3 hier face au Luxembourg. La Suède et les Pays-Bas se sont neutralisés. Un but partout. Déception pour le Portugal, champion d'Europe en titre et qui s'incline 2-0 contre la Suisse. Et puis un seul survivant français à l'US Open de New York. Ce n'est pas Lucas Pouille puisqu'il est sorti éliminé par Gaël Monfils. Dommage également pour Tsonga qui a jeté l'éponge contre Novak Djokovic. Le français a abandonné au troisième set suite à une douleur au genou gauche. Il était mené de façon dans les deux premiers. Voilà, fini. Bon, voilà. Merci Rémi pour les infos. Il nous reste un français. Allez, Gaël Monfils. Allez, mon fils. Allez, mon fils. Et merci Rémi, la suite des infos tout à l'heure à 7h30, les 7h05 sur Sky. Salut, D-Fool, c'est Maître Gims. D-Fool en Sky, ouais. Dur de rendu ici le Big Black M en personne dans le morning de D-Fool. C'est Jules la crise au mic, mec. Bienvenue dans le morning de D-Fool. The morning show. 6h09 sur Skyrock. On est là, nous aussi, dans le morning. Bonne journée, bon réveil. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Bonjour, Romano. Bonjour. Cette nuit, j'ai grillé Romano fouillé dans les cartons du service cadeau de Skyrock pour me revendre. Oh. Quel voleur. Oh, j'ai entendu l'iPhone. Tu mais il va la fermer, celui-là. Tu as essayé de voler un iPhone. J'ai entendu, Romano. Ouais, il m'a vu. L'iPhone 7 est à gagner tout à l'heure à 7h20. Vous en gagnez 3 tous les matins, hein. 6h20, 7h20, 8h20. On joue ensemble ou à l'invité mystère ou à Info Mytho. Ouais. Surprise pour dans un quart d'heure. C'est bien de garder quelques petites surprises le matin, là. Une autre surprise. J'ai une enveloppe entre les mains. 1 500 € à gagner. C'est peut-être pour vous. Préparez-vous. On va voir si ça écoute Skyrock. Dans l'enveloppe, un numéro de téléphone, peut-être le vôtre. De toute façon, vous le savez, hein. Si on vous appelle, vous répondez Skyrock. Et c'est 1 500 € dans la poche. Attention, attention. Et le réveil de star arrive aussi. Une star va réveiller les familles ce matin. Quelle chance elles ont. On refait le truc avec la pub qu'on a écouté tout à l'heure. Les futurinaires, là. Oui, parce qu'il y a une pub qui nous a fait rigoler, parce que c'est un truc à la con. Ça donne un numéro de téléphone. Vous appelez le 3620, je crois. Ouais. Et vous dites futurinaire. Ouais. Moi, j'imagine les gens qui font le numéro chez eux et qui sont là. Oui, futurinaire. C'est cette pub, là. Vous êtes un homme et vous souffrez de... Les laboratoires Coloplast ont créé spécialement pour vous la solution Convine, discrète et confortable. Oui. Essayez-la en appelant le 3620 et dites... Futurinaire. Futurinaire, voilà, c'est ça qu'il faut dire. Tu as bien retenu la pub, Romano. Ah bah, je veux mon échantillon. Bon, on va tester ça. C'est la pub star du jour. Le réveil de star avec une pub, on n'avait jamais fait, tiens. Non, une première. Allez, une première. On s'en occupe dans 3-4 minutes, le temps d'écouter Drake et surtout de vous appeler pour les 1 500 €. Mode d'emploi pour choper 1 500 €. Bonjour, c'est qui? Tu fous le tapel? C'est pas possible. Tu réponds Skyrock. Skyrock. Tu gagnes. Et bah tu gagnes 1 500 €. C'est comme ça que ça marche. On y va. L'enveloppe est ouverte et direction le 57 ce matin. On file dans, en Lorraine, en Moselle. C'est parti en Moselle, chez les Messins, à Metz. J'espère qu'on écoute Skyrock chez les Lebas. C'est Claude Lebas qui a été tiré au sort. 1 500 € pour la famille Lebas. Oui. Oh bah ça décroche déjà, vous êtes rapide, vous dites donc, c'est bien. Allô. Bonjour madame Lebas. Oui, qu'est-ce qui se passe? Rien de grave. Oula. Madame Lebas, pas de panique, c'est la radio au téléphone. On a tiré votre numéro au sort, c'est pour ça qu'on vous appelle, vous êtes en direct à la radio madame Lebas. Eh oui, c'est la bonne surprise du matin. On vous appelle pour vous offrir 1 500 € madame Lebas. Pour m'offrir 1 500 €. C'est une blague. Mais non. Ah non, c'est du sérieux là. Ah, je vous assure, c'est pas une blague. Non. Vous réveillez les gens pour vous faire des blagues. Mais non, c'est pas une blague. On a vraiment 1 500 € à vous offrir. Eh ben oui, alors qu'est-ce que je dois faire? Eh ben, je vais vous expliquer. Il faut me dire, madame, c'est tout simple, hein. Madame Lebas, quelle est votre radio préférée? Si vous avez la bonne, c'est-à-dire nous. RTL. Et non, madame Lebas. Ah bah oui. Eh bah oui. On parlait d'une pub qu'on avait entendue sur... Mais c'est une blague. Mais non, madame Lebas. Madame Lebas, on parlait d'une pub qu'on a entendue sur RTL. Moi, j'avais entendu ça dans un taxi, une pub sur les futurinaires. Eh bien, merci RTL, ce matin, qui est un peu la radio star de Skyrock. Ouais, c'est vrai. Merci, les collègues. C'était Skyrock, madame Lebas. C'est malin. Bah, c'était pour 1 500 €. C'est malin, c'est Skyrock. 1 500 € qu'on garde pour la prochaine fois. Bon, venez nous rejoindre si vous avez envie. C'est du côté de Metz. Vous pouvez nous écouter sur 95. 8 ou 7, je sais plus, tiens. Ah. En tout cas, c'est une des deux. Ah, Cédric cherche, on sort à 9h. Bon, et madame Lebas est partie, donc tu rappelleras madame Lebas. Voilà, Cédric, tu t'es fait une nouvelle copine, tu la rappelles pour lui donner la fréquence. Voilà. Quand 7, tu l'auras trouvée à quelle heure? 10h. Voilà, c'est ça. Ouais, non, mais je l'ai trouvée déjà. 95-7, MS. On salue les Messins et on rappellera peut-être chez vous très bientôt. 1 500 € à gagner dans une demi-heure sur Sky. Le morning de Default sur Skyrock. Le morning qui fait. Il réveille. Baby, I like your style. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. If you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. One Dance sur Skyrock, Drake à 7h12. Et si vous êtes des fans de Drake, un peu comme moi, restez bien sur Skyrock. On a une grosse surprise, on en parlera Allez, durant le mois de septembre, Drake pour se réveiller. Dans un instant, Florida, on va écouter un gros souvenir de Florida. Voilà, le morceau qui fait ça, tu siffles très bien, ouais. Romano. J'ai la bouche un peu pâteuse. Ah bah ouais, t'arrives plus à siffler, regarde. Voilà, bon, il va le faire à notre place. Ouais, vois, voilà, après tout, c'est son disque. Hein. Ouais, après tout, c'est lui qui a créé Whistle. C'est lui qui a eu l'idée de siffler sur son titre. Hein. Le gros son de Florida, Whistle, à écouter. Mais tout de suite, le réveil de star. Et ce matin, c'est une pub star. Attention. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, les stars réveillent la France. Je sais pas qui c'est, vous êtes. C'est le réveil de star sur Skyrock. Oui, le réveil de star avec cette magnifique pub qu'on a entendue sur des radios un peu plus âgées que Skyrock, faut le dire. Hein. Ouais. RTL, tout ça. Ouais, vous êtes un homme. Et vous souffrez de fuites urinaires, les laboratoires Coloplast ont créé spécialement pour vous la solution Convine, discrète et confortable. Essayez-la en appelant le 3620 et dites fuites urinaires. Voilà, 3620, fuites urinaires. Donc on a testé ça avec des familles. Le réveil de star de ce matin concerne cette magnifique publicité. La pub des fuites urinaires. Et la famille qui a été sélectionnée est la famille de Michel et Suzanne. Ils ont les prénoms qu'il faut. On les a appelés, on leur a mis la pub et on a essayé de voir s'ils allaient discuter avec une pub. Bah oui, quand même. Mais oui, le pire c'est que oui. Allez Michel, allez Suzanne. Alors Michel et Suzanne, c'est un peu notre famille star, notre réveil de star ce matin. À 7h14. Attention. Michel, Suzanne et la pub, t'es prêt? Allez, on est prêt. Allô? Vous êtes un homme. Qu'est-ce qu'il y a? Vous souffrez de fuites urinaires? Oh ben non, moi je suis pas. Je pisse qu'on normalement. Bon allez, au revoir monsieur. En appelant le 3620. Pourquoi? Et dites fuite urinaire. Bon, d'accord. Essayez-la en appelant le 3620 et dites fuite urinaire. Fuite urinaire. C'est bien. Dites fuite urinaire. Oh, mais... Allô? Vous êtes un homme. Oui? Vous souffrez de fuite urinaire? J'ai fuite urinaire. Oui. Qui c'est à l'appareil? Vous êtes un homme. Bah, je crois que j'ai une voix de femme, non? Demandez conseil à votre médecin. Ça, c'est un gag, ça. Dites fuite urinaire. J'appelle la police ou quoi? Oui, voilà. Prix d'un appel local et service gratuit. Ça suffit avec vos conneries, hein. Et rappelez plus, mais sans que je vous mette sur ma chaîne, hein. Discrète et confortable. Ouais, ça suffit. On a déjà entendu ces gags-là. Essayez-la en appelant le 3620 et dites fuite urinaire. Qu'est-ce que tu veux? Ta coupe-le, piquez tout. Vous avez entendu? Il demande que vous lui dites son, votre prénom. Fuite urinaire. Oui, c'est ça. Oui. Et moi, je m'appelle connasse. Essayez-la en appelant le 3620 et dites fuite urinaire. Je vous dis, mais bien des choses, monsieur, et puis c'est pas fort marrant, hein. Bien imbécile. De jour comme de nuit, sentez-vous en sécurité. Imbécile. Eh bien, on remercie Madame Connasse. J'ai cru que c'était Suzanne. Mais on s'est trompé. Non, en fait, pas du tout. C'est pas Suzanne, c'est Madame Connasse. Bah, moi, c'est Connasse. Eh bien, vous avez vu, ça a marché, hein. Arrêtez, sinon je vous branche sur le machin. Oui. Alors, dites-moi votre nom, fuite urinaire. Le prénom, c'est fuite et le nom, c'est urinaire. Ouais, c'est ça, exactement. Oui, je vais appeler la police. Il y a un monsieur fuite urinaire qui m'a appelé. Ouais, je veux porter plainte. Je veux porter plainte contre monsieur urinaire. Bravo, Suzanne. Elle était super, Suzanne. Très, très gentil. Bravo, Michel. Bravo, la famille. Toute la famille réunie. Grande réussite. Et l'autre fuite urinaire. Bah oui, fuite urinaire. Fuite urinaire. Et dans un instant sur Skyrock. iPhone 7 à gagner, on va jouer ensemble. Préparez-vous, le temps d'écouter Florida. C'est vrai qu'il fait mieux que nous, hein. Allez, Florida et Whistle sur Sky. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. And we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby. And I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Pull a damn hamstring, trying to put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a look. Blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. Just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. know, cause girl, you can handle. Baby, with stars, so then you come up in park clothes. Girl, I'm new, so man, my Bugatti the same nose. Show me your perfect pitch, you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So I'm using, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it don't fit, you never lose it. Show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. Whistle, baby. Whistle, baby. Whistle, baby. Whistle, baby. Whistle, baby. Whistle, baby. Whistle, baby. Whistle, baby. Go on, girl, you can twerk it. Let me see you whistle while you're working. I'ma lay back, don't stop it. Cause I love it how you drop it, drop it, drop it on me. Shawty, let that whistle go. Oh, oh, oh. Yeah, baby, make that whistle go. Oh, oh. Can you blow my whistle? Whistle sur Skyrock, le son de Florida jusqu'au bout à 7h19. Ah, y en a qui nous disent qu'ils vont l'avoir dans la tête toute la journée. Merci à Lionel qui va nous envoyer un message. Bonjour Lionel, t'es pas le seul. Romano aussi va l'avoir dans la tête toute la journée là. Attention, attention, ouais. Voici tout de suite une émission mystère à découvrir. On fera un faux mytho dans une heure, je vous l'annonce. Vous savez qu'on pourrait gagner vos iPhone 7 tous les matins sur Skyrock, ou avec l'invité mystère, ou avec un faux mytho. Un faux mytho, c'est dans une heure. Et l'émission mystère à découvrir, c'est maintenant, avec une star énorme, on peut le dire. Elle est tellement énorme, la star, qu'on va pas vous demander son nom. On va préférer vous faire un truc un petit peu plus facile avec l'émission dans laquelle elle est passée. Ouais. Écoutez bien, voici l'émission mystère. Yeah, Wendy, j'ai failli mourir. Oh, mais quelle belle imitation, mais quelle a l'air drôle. Ouais. Oui, hier, dans une émission de télé, elle était invitée. Mais je crois qu'elle était... Non, elle travaille pour eux maintenant. Ouais. Ah oui, on va parler des nouveaux chroniqueurs de cette émission de télé dans un instant. Mais je crois qu'hier, elle était décabanée. Elle était décabanée, en tout cas, elle était un petit peu bizarre. Non, mais elle était chelou, elle avait pris des trucs. Donc, elle a failli mourir, elle dit. Vous allez me dire, ils l'ont mise dans un déguisement de chouette et l'ont montée à plusieurs mètres, dans le studio. Elle, ouais. elle planait dans le studio dans son déguisement de chouette. Ouais, et puis le problème, c'est qu'ils l'ont montée un peu tôt par rapport au moment où ils l'ont pris dans l'émission. L'autre, elle est restée une heure. C'est-à-dire que... Elle a dû rester une demi-heure en l'air. En fait, la meuf est restée en l'air et pendant ce temps-là, l'émission, elle continuait. Au bout d'un moment, l'animateur a dit « Ah ouais, merde, il faudrait peut-être qu'on s'occupe de notre chouette. » Donc, il faut notre émission mystère, le nom de l'émission mystère. Elle est très contente. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 41-759 ou sur l'appli Skyrock très très vite. Dès que je vous donne mon top, c'est-à-dire top dès maintenant. Allez-y, 41-759, appli Skyrock, à choper votre iPhone 7 en ce mercredi 7 septembre. Bonne chance à vous. Allez, les messages défilent, c'est parti. Le premier ou la première, on le retrouve dans un instant et on lui offre son iPhone 7. C'est à gagner, c'est sur Skyrock à 7h21. GPS, démarrage sans clé, caméra de recul. Non, franchement, elle est canon ta nouvelle Volkswagen. Tiens-toi bien, entièrement connecté. Bon, allez, tu la vends combien? Je la vends pas, je viens de l'acheter. Non mais t'as déjà quelqu'un sur le coup, c'est ça? C'est Michel. Michel, il est à Cancun. Difficile de résister. En septembre, la Golf Sports Van All-Star suréquipée est à 300€ par mois, entretien et garantie inclus. Location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier rapport de 2257€. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur Volkswagen.fr. Ghetto Phénomène. Découvrez leur tube Maria Maria avec Jules. Maria Maria, le single de Ghetto Phénomène, déjà disponible. Dis donc mon cœur, que t'auras fini les jeux sur internet, tu t'occuperas des pneus de la voiture. Mais chérie, je

Mais c'est je qui ces pas. Gens bah, je sais pas, c'est les nouveaux chroniqueurs, ne touche pas à mon mais poste. Mais ils sont passés où? Parce qu'on les a pas encore vus dans l'émission. Bah écoute. Mais c'est qui, c'est qui Damien Vaniquet là? Bah je sais pas qui c'est Damien Vaniquet. Moi. Je sais pas, c'est qui ce brave garçon et Sandra Mimoun. Bon, et l'âme, vous connaissez ces lames que vous avez entendues là? Ouais, la vieille chanteuse là. L'âme qui était déguisée en chouette. Je sais pas si t'as vu, Cindy, moi je suis tombé dessus hier. Oui, j'ai vu un extrait. Tu l'as pas trouvé plus belle habillée en chouette qu'au naturel? C'est comme Cédric avec son costume de Pikachu. Ouais. Non, mais franchement, pareil. Pareil, pareil. Non, mais je crois, hier, elle était bourrée. Hein. Non, mais ce qui est cool, c'est qu'elle a fait un malaise hier. Donc, ils l'ont foutu dans le truc de la chouette. Ouais. Ils l'ont monté à plusieurs mètres dans le studio, en l'air. Et ils l'ont fait attendre pendant un quart d'heure, 20 minutes. Pendant ce temps-là, Cyril Hanouna faisait son émission. Elle était la meilleure. Elle a une petite beauté. Et à un moment, donc, l'âme fait signe et genre, je fais un malaise. Ouais, ouais, elle leur a demandé, ouais, descendez-moi. Donc là, ils l'ont redescendu parce qu'elle était pas bien. Elle est pas bien, la chouette. On s'est posé la question. Voilà. Alors, la chouette est... Elle dit non. Ah, merde. Ah, alors, la chouette veut descendre, apparemment. La chouette n'est pas bien. Est-ce qu'on lui a dit si ça va pas? Il est drôle, Cyril Hanouna. Il voit qu'elle est pas bien. Alors, lui, il est mal au début. Et puis après, bon, il dit... Ouais, elle est là en galère. C'est pas grave, on va rigoler. Bah. Bravo, t'as trouvé le nom de l'émission Mystère, Cindy. Et tu as gagné ton... L'iPhone 7. Oui, bravo. Ton iPhone 7. Bravo, super, bravo beaucoup. Cindy, félicitations. Ah, c'est vrai, on a oublié, il y a Benjamin Castaldi aussi. Ah, bah oui, il y en a qu'on connaît quand même. Chez Titanium. Ah, bravo Cindy, l'iPhone 7, il est pour toi, tu viens de le gagner. Super. Dès qu'il sort, on te l'envoie à la maison, c'est parti. Merci beaucoup, super, ouais. Génial. Voilà, et la prochaine fois, laissez la main en l'air, je dis ça à Cyril Hanouna. Hein, Cyril, laisse la main en l'air, c'était rigolo. Ouais, moi j'ai bien rigolé, surtout quand j'ai su que c'était elle qui était dedans là. Mais moi je m'attendais à une star exceptionnelle. Putain, quand l'âme est sortie, je dis putain, mais c'est elle. Bah, bah ouais, quand même, toi t'es une star exceptionnelle, je suis pas sûr que t'es habillé en chouette. Ouais. Et tu te laisses percher pendant une demi-heure c'est vrai. Passer pour un con. Ouais. Bon, bravo Cindy, l'iPhone 7, il est gagné pour toi, il est à gagner bah, dans une heure avec vous et on jouera dans une heure à Info Mytho. Même pas une heure, parce que ça se passera à 8h20. Il est 7h29, on est sur Skyrock et on a 1 500 € à vous offrir dans un instant. On vous appelle, on vous demande quelle est votre radio préférée. Skyrock, le temps d'écouter le son de. 21 Pilots. Ah, c'est bien ça, c'est Ride. Un des sons qui nous a ambiancé tout l'été. Les infos arrivent aussi hein, avec une grosse météo, avec des grosses températures bien chaudes et du soleil. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun. I'm on my ride. I'm on my ride. Sur Skyrock, le son de 21 Pilots, c'était Ride, il est 7h31. Qu'est-ce qu'on a prévu pour se réveiller ce matin? Mike Posner va prendre une petite pilule pour se réveiller. Nickel. Lui prend toujours des pilules à Ibiza. Oui, toujours, il arrête pas. Ouais. On écoutera Designer avec le gros son US, Panda. Alonso, le Marseillais des psychiatres de la rime. On nous l'a demandé en plus ce matin, il y a Rudy qui voulait se réveiller avec ça. Avant 8h, c'est pour toi Rudy, c'est promis. Et avant 8h, vous en avez de la chance parce qu'on a prévu les conseils pas chers. Conseils pas chers, et on va parler téléphone portable, smartphone, particulièrement iPhone. Bah, c'est normal, il va sortir. Rémi nous en parlait il y a une demi-heure. Il y a plein de trucs nouveaux sur l'iPhone, surtout un nouveau prix encore plus cher. Et bien sûr. C'est la présentation officielle aujourd'hui. La nouveauté, plus de prise casque. Ce qui fait que vous serez obligé d'acheter un casque Apple qui vous coûtera encore bien cher. C'est une rumeur, mais peut-être. Non, non, mais j'ai entendu parler normalement, de ça aussi. Ouais. J'ai vu ça sur plusieurs sites dans le monde. Enfin, on vous tiendra au courant, on en saura un petit peu plus. Merci pour les exclus sur l'iPhone, Rémi. Yep. On va parler de l'actu. Tu vas tout nous dire. L'actu, le sport, mais d'abord, la météo, c'est un peu l'événement du jour. On va crever de chaud aujourd'hui. Ouais, surtout dans le sud-ouest. Hein, ah ouais. Cet après-midi, entre 35 et 36 degrés attendus entre Bordeaux et Biarritz. C'est vrai que ça va cogner fort au meilleur de la journée, de 26 à 29 dans le nord, de 27 à 31 en moyenne dans le sud, et puis ce matin, de 12 à 18 là dans les terres, et puis de 15 à 20 le long des côtes. Du côté du ciel, rien à dire, il fait très beau aujourd'hui. Vraiment, le soleil va s'inviter partout, y compris en Ile-de-France. On avait quelques petits brouillards ce matin, mais là, on peut dire, hein, c'est quasiment fini. Donc, pas d'inquiétude. Et puis, la pollution, c'est moyen, les indices sont compris entre 3 et 4. Ça monte à 5 sur Paris, Metz, Nîmes, Marseille, Montpellier et Montauban. Et l'actu et le sport, c'est parti. Paris est-elle la quatrième ville la plus attractive du monde? C'est en tout cas ce qui ressort d'une étude publiée par un cabinet de conseil. Notre capitale se classe derrière Londres, Singapour et Toronto et progresse de 2 places. La ville lumière perd en revanche sa position de chef de file pour son capital intellectuel et d'innovation. Autre point noir, le coût de la vie. Paris fait partie des villes les plus chères aussi bien pour les ménages que pour les entreprises. L'intersyndicale anti-loi travail qui fait sa rentrée aujourd'hui, réunion prévue à Nantes pour coordonner les futures actions. Pas de défilé en revanche, la musique sera bien différente jeudi prochain. Manifestation prévue dans la cité des Ducs, mais aussi à Saint-Nazaire. Après les producteurs de lait, ce sont les éleveurs de bovins qui haussent le ton. Ils accusent la grande distribution et principalement Carrefour de sous-payer la viande bovine française. Plusieurs opérations en coup de poing sont prévues aujourd'hui devant les supermarchés. Mobilisation attendue à Paris, Lyon ou encore à Clermont-Ferrand. L'horreur en début de semaine à Courbevoie, en région parisienne, une mère de famille a été retrouvée décapitée dans son appartement. C'est son fils pris d'une crise de démence qui semble être à l'origine du carnage suite à un différend familial. L'individu a été difficilement maîtrisé avant d'être hospitalisé. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame. On va parler sport maintenant avec une déception pour les Bleus. On a suivi ça hier dans la Radio Libre. Et on parle des JO, mais ouais. Des nouveaux JO. Ouais, mais les Bleus calent d'entrée. C'est la une du Parisien ce matin. Le Parisien qui voit vrai encore une fois. L'équipe de France a concédé le nul 0-0 contre la Biélorussie. On jouait dans le cadre de la qualif pour le Mondial 2018. Pour l'instant, c'est la Bulgarie qui est en tête du groupe à l'issue de cette première journée. Les Bulgares ont dominé le Luxembourg 4-3 et seront nos prochains adversaires le 7 octobre. Seuls les premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le Mondial, je vous le rappelle. La Suède et les Pays-Bas se sont neutralisés un but partout. Mauvaise entrée en matière pour le Portugal qui s'incline sans Ronaldo 2-0 face à la Suisse. Et puis 126 Français pour 11 jours de compétition. Coup d'envoi la nuit prochaine des Jeux Paralympiques avec de vraies ambitions de médailles pour la délégation française. Elle sera représentée dans 17 des 22 disciplines au programme. Et bien sûr, on va suivre tout ça. Évidemment qu'on suivra tout ça. Merci Rémi pour les infos. On te retrouve dans une demi-heure. Il est 7h35 sur Skyrock. En direct de l'appart. The Morning Show. C'est le Morning de Default sur Skyrock. The Morning Show. Ah, j'ai les notes des joueurs dans le journal. Oh là là, 3 pour Martial. Ah oui, c'est pas haut. 4 pour Giroud. Aïe aïe aïe. 4 pour Sissoko. C'est pas bon. 4,5 pour Griezmann. Ouh, le journaliste était pas content, dit dedans. Hein. Il y en a un qui a la moyenne quand même. Ouais, il y en a la moyenne. Un Pogba, 4,5. Ah, pas brillant non plus. Kurzawa, 5. Ah, quand même. 5 sur 10. Hein. Bravo. Oh, numéro numéro bravo. 5. Numéro. Non, pas numéro. 5. Pogba, ouais, pas dément. Kanté, ah 6,5, Kanté, on a des bonnes notes. Koscielny aussi, 6,5. Et le goal? Et le goal. Lui, il a pas de notes. Oui, ils ont mis Mandanda. Ah si, Mandanda, 5,5. Ah bah voilà. 5,5 pour Mandanda. Bon, il a pas pris de but, on n'a pas marqué non plus. 0-0 pour les Bleus hier. Bon, prochain match, ce sera au mois d'octobre et on vous offrira des places pour le prochain match des Bleus. Je crois que c'est contre la Bulgarie, me semble-t-il. Allez, les Bleus. Ouais, et c'est en octobre, on aura des places parce qu'ils se jouent en France, au Stade de France. Dans un mois, tout pile le 7. Ouais. Ah bah, pile dans un mois. Voilà. Pile dans un mois. Allez les Bleus. Allez les Bleus. Bon, et allez Romano, les conseils pas chers arrivent dans un instant sur Skyrock. Ouais, on va négocier du téléphone portable. Oui, parce que c'est cher. Ah bah oui, c'est pas donné, ouais. Ah, tu vas essayer de choper un téléphone moins cher. Ouais, tiens, d'ailleurs, dites-nous si vous avez déjà acheté un téléphone portable, par exemple, sur Internet. Ouais. Et vous avez eu des soucis avec, le truc ne fonctionnait pas, vous ne l'avez jamais reçu. C'était un téléphone volé. Tu vas faire dans les téléphones portables d'occasion. Ouais, c'est ça, on va négocier par téléphone. On négocie un smartphone d'occasion, donc vous avez déjà acheté un téléphone d'occasion et ça s'est mal passé, faites-nous signe et toi tu nous montreras comment faire baisser les prix d'un iPhone. Négociation en direct. Ouais, négo, mais tout de suite, 1 500 € à gagner. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. C'est 1 500 € dans ta poche. Oh putain, c'est trop bon. Maintenant. C'est maintenant, c'est pour vous, 1 500 € à gagner. Ouverture de l'enveloppe et un numéro à l'intérieur. Un numéro qui va nous amener dans le 72. Si vous nous écoutez dans la Sarthe, vous avez peut-être gagné 1 500 euros. 1 500 euros au Mans pour la famille Dissé. On appelle Gwendoline Dissé. 1 500 € pour elle. J'espère qu'elle va répondre Skyrock, Gwendoline. Si vous, allez, Gwendo. Si vous voulez augmenter vos chances de gagner, pour vous inscrire au 720-20. Vous envoyez 1 500 au 720-20, petit tuyau que je vous donne. Comme ça, vous augmentez vos chances de gagner. On va voir si Gwendo est bien ce matin. Bonjour, Gwendoline. Bonjour. Bonjour. Tu sais qui c'est au téléphone ? Skyrock. Oh, bravo, Gwendoline. Alors, si je te demande quelle est ta radio préférée, Gwendo ? Ben, je vous dis Skyrock. Mais tu as bien raison. Et tu viens de gagner 1500 euros en direct sur Skyrock ce matin. Bravo, bip, bip. Et voilà, Gwendoline. Bien joué. Vite fait. Super. Bien fait et super, t'as raison. Hein. 1500 euros pour toi, Gwendo. Tu fais quoi dans la vie ? Bah, je suis responsable de rayon. Très bien, tu travailles où ? Chez HM. Chez qui ? HM. HM. Ah, t'as des fringues. Ah, ça c'est bien ça, ouais. Ah, Romano est intéressé. Il y a un rayon enfant à HM. Ouais, ouais, c'est vraiment plus. Ouais. Romano va peut-être. C'est ça, il y a bien un rayon enfant chez HM. Eh ben, j'arrive. Il va aller faire un tour au rayon enfant HM au Mans. Et toi, t'as gagné 1500 euros avant d'aller bosser. Comme ça, en écoutant Skyrock le matin dans le morning. Super, Gwendo. Ouais, bah, j'en reviens pas. J'ai fait une inscription la semaine dernière. Et du coup, j'y croyais pas. Eh ben voilà, inscrivez-vous. Je vous en parlais il y a un instant. Inscrivez-vous au 720. Ça marche. 720-20, vous envoyez 1500, vous vous inscrivez et on peut vous rappeler comme ça. Vous inscrivez aujourd'hui, on peut vous rappeler demain par exemple. Hein. Allez-y, peut-être même dans la matinée, on sait c'est jamais. Vrai. 1500 euros, qu'est-ce que tu vas faire avec toi, Gwendoline ? Bah écoutez, je vais me faire plaisir, j'ai des travaux à faire dans la maison donc. Très bien. Donc tu refais la maison grâce à Skyrock, magnifique. Tu nous enverras une photo hein, de tout ce que tu as refait. Hein. Il n'y a pas de souci, je t'enverrai une photo. On veut voir si c'est bien utilisé les 1500 euros. Ouais. Ce qui est bien, c'est que c'est à 1500 euros et t'en fais ce que tu veux. C'est super. Vrai. C'est pour toi, Gwendo. On te fait un gros gros bisou. Et puis, bon courage à tous les collègues d'HM. Très bien, j'en passerai le message. T'as bien représenté Le Mans, t'as bien représenté HM. Et des gros bisous et surtout quitte pas. On vérifie tes coordonnées, on t'envoie le chèque très très vite. Tu le reçois super rapide à la maison. Super, merci beaucoup. Bisous, Gwendo. Bisous, ciao. Merci, au revoir. Ciao. Au revoir, Gwendoline. Dans une demi-heure, on recommence. Hein. Faites comme Gwendoline. Vous écoutez Skyrock, vous répondez Skyrock, vous gagnez. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older. But fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul. Sad souls, darling, all I know are sad souls, sad souls. Shot. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know our sad souls, sad souls. Darling, all I know our sad souls, sad souls. I'm 7h42, Mike Posner, I took a pill in Ibiza. On prépare le son de Designer, ce sera Panda. Et tout de suite, les conseils pas chers, ils sont prêts. On va parler téléphone ce matin. Bill Gates gagne 250$ par seconde. Romano, lui, c'est une arnaque par seconde. C'est les conseils pas chers sur Skyrock. Oui, une arnaque par seconde, à ce point, Romano, quand même. À ce point. À ce point, voilà. Bon, alors attention, ce matin, les smartphones, en particulier l'iPhone. Oui. L'iPhone qui va sortir, le nouveau, il va être présenté aujourd'hui. Bon, il va être encore cher. Oui, cher, on vous l'offre d'ailleurs gratuit. Profitez-en, ce sera tout à l'heure à 8h20 sur Skyrock dans le morning. Bon, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a plein de gens qui vendent leur vieil iPhone sur, par exemple, le Bon Coin. Ouais. Et vu qu'il y a le nouveau qui sort, forcément, le prix des anciens va baisser. Et donc, tu vas essayer ce matin de faire une négo et de négocier un iPhone d'occasion moins cher. Ah ouais, c'est clair. Par exemple, là, j'ai Grégory qui en vend un iPhone 6 Plus. Oui. 16 Go, 550€. C'est beaucoup trop cher. Trop cher pour toi. Moi, j'en propose 50. 50€. Et bah, c'est déjà bien payé. T'enlèves le 5 du début, c'est déjà pas mal. Normal. Oui, c'est vrai. Tiens, il y en a qui ont fait des achats, qui ont acheté des trucs bah, sur le Bon Coin ou sur d'autres sites. C'est qui nous a envoyé un message qui est tombé? Ah oui, Bilna qui nous dit: j'ai acheté un iPhone sur Internet, j'ai ouvert la boîte et à l'intérieur, c'était un Wiko. Ah ouais. C'est clair que c'est pas le même prix. Non. Mais il y a Stéphane, lui, il a eu de la chance. Salut Skyrock, moi j'ai commandé un iPhone 6, oui. S, 8 Go, j'ai reçu un 64 Go. Ah ouais, quand même. Ça, ça vaut le coup, là, ouais. Dans ce cas-là. Toi, c'est bien, Stéphane. Tu vas rentrer dans le club des conseils pas chers, toi, dis donc. Ah ouais, bien joué, ouais. Donc, on fait le test ce matin. On a pris des annonces, on a les numéros, et tu négocies en direct, Romano? Ah ben, allez, c'est parti. Allez, c'est parti. T'appelles Grégory, Cédric? Allez, vas-y, j'appelle Grégory. Alors, on commence par Grégory ce matin. 550€. Non, mais il a joué ça où, lui? Grégory veut que tu lui achètes son iPhone 500. Mais il sait pas à qui il parle. Ah ouais? Non, mais quand même. Ah, il sait pas qu'il va avoir Romano, le plus grand radin de France. Et peut-être même du monde. De toute façon, je vais lui dire qu'il y a un problème sur son annonce, c'est marqué à 50 balles. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est Grégory? Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelais concernant l'iPhone 6S Plus que vous vendez. Oui. Oui, il est toujours disponible? Oui, bien sûr. Oui. Il vient d'où, ce téléphone? Comment ça, il vient d'où, ce téléphone? Bah, il vient d'où? Il était à vous, c'est qu'il y a quelque chose qui est tombé du camion. C'est quoi, c'est je comprends pas vos questions, là. Bah, comment ça, il a été acheté, bien sûr. Ah bah oui, bah bon, écoutez, moi, je me méfie, vous savez, sur le Bon Coin, il y a des arnaques. Et vous le vendez 50€, c'est ce qu'il y a de marqué sur l'annonce. Combien? 50€. Moi, je vous le prends, hein. Non mais vous êtes pas bien, 550€, vous avez vu le prix? Ah bah oui, j'ai vu le prix sur votre annonce, c'est marqué 50€, moi. Ouais, bon écoutez, je vais vous laisser. Ah bah non, vous avez marqué 50€, moi je le prends à Spira, hein. 550€, vous... Non, bah t'enlèves les 500, tu me le lâches à 50 et puis ça ira bien. Je peux passer ce matin? Ouais. Ah bah j'arrive, merci bien. Ah bah voilà. Ouais, c'est Canal Plus. C'est Canal Plus, c'est Skyrock. Oui, on n'est pas encryptés, nous. Oui, Grégory. C'est très gentil pour Skyrock de le faire à 50€. C'est gentil, Greg. Hein. Ok, il n'y a pas de problème, Skyrock. Allez. T'es où, Greg? Allez, salut, Skyrock. Ciao. Salut, Greg. T'es où, toi? Il ne veut pas dire. Il veut pas dire parce qu'il vient de se faire escroquer en direct et il a reconnu, mais au dernier moment. Ouais, au dernier moment, ouais. Romano, tu es célèbre, hein, t'as vu ça? Ouais, bah attends, ça vaut le coup, 50€. Il t'a pris pour Canal Plus? La classe, quoi, la classe. Peut-être plus avant que maintenant, mais. Oui, maintenant c'est moi la classe. Mais c'est pas mal. Bon, je peux en avoir un autre vite fait. Allez, vas-y. Mais t'as déjà un téléphone, t'en veux un autre? Bah attends, tu veux qui? J'en ai plein, bah je sais pas. Michael. iPhone 6S gris, 600€. Non, mais. 600€? Encore. On t'enlève le 6? Ça fait 0. Allô? Oui, Michael? Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je vais vous appeler pour l'iPhone Nintendo gris. Oui. Il est toujours disponible? Oui. Oui, donc il est à combien? 6€, j'ai vu sur internet. C'est ça, 6€. Ouais. 6€, bah je passe le prendre ce matin. Tu m'attends, Michael? Je serai là vers 8h. Vas-y. Eh bah c'est très sympa, je t'amène les 6€. Merci beaucoup, Michael, à tout à l'heure. Je t'ai reconnu, gros. Non, encore. Mais, tous les vendeurs de téléphones, je suis grillé, je crois. Bah, t'es grillé, t'es un escroc, tout le monde te connaît, Romano. Hein. Ah, c'est ouf. Bah oui, c'est ouf. Salut, Michael. Salut. Comment ça va? Ça va. Bon. Je rentre pas mieux, putain. Ah bah oui. Ah bah voilà. Ouais, c'est lui qui m'a appelé tout à l'heure. C'est nous, on faisait un petit test pour savoir si ça répondait. Ouais. Donc ça répond bien. J'arrive à 8h pour les 6€ pour l'iPhone 6S. 6€, putain, enfoiré. Ah bah ouais. J'ai cru en plus, moi. Ah, t'y as cru en plus. Non, ouais, bah Romano, tu sais qu'il a fait des économies. Hein. Il a dealé juste avant toi un iPhone à 50€ au lieu de 550. Ouais. Et pour toi, il a enlevé les 2€. Il a dit, allez. Ouais, allez, 6€, c'est pour toi, Michael. Tarif d'ami, quoi. C'est mieux que 600. Tarif Skyrock. À 1002, je te le fais x2, Romano. Ça, c'est pour Cédric. qui le prend. Moi, j'achète cash. Allez, cash. Bon, quitte pas, on va t'envoyer un cadeau. Tu nous as reconnu, on va t'envoyer un t-shirt Skyrock à la maison. Salut, Mickaël. Salut, Mickaël. Ciao. Et bonne journée à toi. Et dans un instant, ah, c'est le top win, le top lose. Oui. Et aujourd'hui, on va féliciter des Hollandais qui sont les winners du jour. On va vous expliquer pourquoi des Hollandais qui habitent en France, c'est les winners du jour. On vous les présente sur Skyrock. Ce sera bah, juste après l'horoscope de l'amour. Et juste après, Designer et Panda. L'horoscope arrive dans moins d'une minute sur Skyrock, 7h48. Aujourd'hui, c'est Antoine de Cannes qui ne revient pas d'avoir des bons à parier offerts. C'est pas vrai! Oh yes! Yes! Yes! Mais oui, Antoine, pour la rentrée et pendant les jours 100% gagnants, votre bon à parier est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Du 2 au 11 septembre, pour tout quintet plus de 6 euros minimum joué sur la course du jour, PMU vous offre un bon à parier d'une valeur de 2, 4 ou 10 euros valable sur le quintet plus du lendemain. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Le happy 55e anniversaire Auchan continue. Chérie, écoute, l'anniversaire Auchan continue. Et tiens, j'y pense, j'ai entendu une super offre sur du raisin. Oui, un prix spécial anniversaire. Chez Auchan, jusqu'à samedi, profitez du raisin blanc Italia de Sicile à 1,29€ le kilo. Seulement 1,29€ le kilo de raisin blanc Italia ? Super ! Et en plus, il est délicieux. Et profitez-en aussi dans les magasins Adepa et Simply Market. Auchan, la vie que j'aime. Origine Italie, catégorie 1. Happy égale heureux. Eh ben oui, happy égale heureux. Et morning égale matin. C'est ça. Oui, je fais les traductions parce qu'il faut faire les traductions. Ouais. Et l'horoscope, c'est parti sur Sky. Vas-tu avoir une bonne note ce matin ? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et les 12 signes avec votre puissance amoureuse. On va commencer par les Capricornes et les Béliers qui ont la palme aujourd'hui. 5 sur 5, meilleure puissance amoureuse du jour. C'est pour nous. Et en effet, je l'avais remarqué en me regardant dans la glace ce matin. Notre charme ne passera pas inaperçu, Capricornes et Béliers. Ah ben c'est clair. Oui, on pourra même déclencher quelques jalousies sans le vouloir. Oh. Capricorne Bélier 5, c'est bien aussi pour les Scorpions et les Vierges. En couple, vous saurez trouver les mots pour exciter votre partenaire. Une journée chaude pour vous, il n'y a pas que la météo qui est chaude. Et les célibataires, c'est un super jour pour faire le premier pas si vous avez quelqu'un en vue. Les Poissons et les Lions, vous êtes d'humeur romantique. Vous avez 3 sur 5 aujourd'hui en puissance amoureuse. Vous ferez plaisir aux gens qui vous aiment et c'est plutôt pas mal. 2 sur 5, les Verseaux et les Cancers. Ne restez pas dans votre coin même si vous en avez envie. Vous passerez une meilleure journée comme ça. Petit conseil qu'on vous donne ce matin. Merci. Les Sagittaires et les Taureaux, vous avez 1 sur 5. Ne prenez pas de grandes décisions en amour aujourd'hui, attendez plutôt demain ou après-demain ou le week-end, ça peut attendre de toute façon, 1 sur 5 les Sagittaires et les Taureaux, ouais. Et pour finir les Gémeaux et les Balances, attention si quelqu'un se mêle de votre vie sentimentale et ça risque d'arriver aujourd'hui, faites-lui comprendre que c'est votre vie sentimentale, que ça vous regarde et qu'il n'a pas à foutre son nez à l'intérieur. Ça sera mieux comme ça. L'horoscope de l'amour tous les matins sur Skyrock, il est 7h50 et ça c'est Panda. Vous avez vu, j'ai vu un reportage sur les pandas, ils sont plus en voie de disparition, c'est peut-être pas grâce à Designer qui a fait un morceau pour eux. Ils se reproduisent. Oui, ils se reproduisent. Designer, c'est le rap qu'on écoute maintenant. Rappeur Quinry qu'on a découvert sur Skyrock. Panda est le winner, les winners du jour dans un instant sur Sky. To the lean, the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the van, legacies, family, wait and see, look like a panda, going out like a Montana, honey killers on the hands, legacies, family, wait and see, family, pockets full, Danny, selling ball, candy, man on the macho like Randy, the chopper go out for granted, then the bullet you bandit, hope killers understand it. I got broads in Atlanta, twisted the lean, the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the van, legacy, family, way see, look like a panda, going out like a Montana, honey killers on the hands, legacy, family, way see, panda, package full, Danny, selling ball, candy, man on the macho like Randy, the chopper go out for granted, then the bullet you bandit, hope the killers understand me. Hey! Panda. I got broads in Atlanta, twisted the lean in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the band, legacies, family, way and see, look like a panda, going out like a Montana, honey killers on the helmets, legacies, family, way and see, panda, package full, Danny, selling ball, candy, man on the macho like Randy, the chopper go out for granted, then they pull up your bandit, hope you killers understand me, I got broads in the Atlanta, twisted the lean in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the van, legacies, family, way and see, look like a panda, going out like a Montana, honey killers on the helmets, legacies, family, way and see, panda, package full, Danny, selling ball, candy. Man, I'm the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then nigga pull up your band. Hope the killers understand me. Panda, panda, panda. Designer Panda dans le morning sur Sky, 7h53. Dans 10 minutes, on vous offre 1500 euros. Encore 1500 euros à gagner. On fait une bise à Gwendo, Gwendoline qui a gagné il y a quoi, il y a même pas une demi-heure. Bravo Gwendo. Ouais. Et ouais, elle a gagné à 7h30 tout à l'heure. C'est 1500 euros. Il suffit de répondre Skyrock dès qu'on vous appelle à la maison. Ouais. Et là, on va faire le winner du jour. Et oui, un loser ou un winner. Tous les matins, aujourd'hui, ça win. Le winner du jour. Le winner du jour. Le winner du jour s'appelle Léon, c'est lui. Ouais, Léon! Écoutez bien, Léon. On voit beaucoup de fesses, oui. Alors, Léon voit beaucoup de fesses. Vous vous dites, pourquoi il voit beaucoup de fesses, Léon? Bah, je sais pas, il habite à côté du Cap d'Agde. Non. Léon a une petite propriété dans le sud de la France, dans les Pyrénées-Atlantiques. Il a une petite propriété, il vient de Hollande. C'est pour ça qu'il a son petit accent. Et sa propriété, il y a un portail. Elle est située sur une route. Et il y a plein d'automobilistes qui s'arrêtent à cet endroit-là, on sait pas pourquoi, pour venir faire caca et pipi. Deux ou trois fois par semaine, il faut nettoyer ici près de portail parce qu'on fait du pipi, mais plutôt le caca, ah, dans notre portail. Le caca dans le portail, et ça c'est terrible. On voit des papiers toilettes et tout, c'est terrible. C'est terrible, mais les gens sont propres, ils s'essuient. Tu le dis, Léon. Le plus gênant, c'est nettoyer le caca d'une autre personne. Oui. On arrive en bas et on voit des gens qui sont très gênés. Ah bah oui, oui, ça c'est clair. Ah bah oui, l'autre, t'arrives, le mec est à genoux en train de chier. Bon. Donc, Léon s'est dit, c'est quand même un problème. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé comme solution, Léon? Et Léon, on va le féliciter parce qu'il a trouvé une solution. Il a installé un chiotte devant son portail. Non. D'abord, il avait installé des caméras. Il aurait pu installer une toilette. Oui, c'est des toilettes, non? Une caméra. La caméra produisant peu d'effets, il a eu une autre idée. Écoutez bien le Léon. J'ai commandé un panneau fait express pour ça. Mmh. On a enfanté ça en Hollande. Ça veut dire on fait ça aussi en Hollande. Voilà. Donc, il a un panneau avec ne faites pas caca devant chez moi. Ouais, en fait, le panneau, exactement, c'est une personne qui est accroupie avec un caca qui sort. Oui. Et il y a le panneau, genre, avec le truc rouge autour et il y a le mec qui. C'est vrai que c'est classe, t'as ça devant ton portail, c'est pas mal. Bien joué, Léon, mais qu'il est non, fort. Non, mais vous mettez la photo, le mec pose, il est accroché à son poteau, genre. Bah, Léon est fier de son panneau avec le caca dedans. Hein. Ouais, l'autre, il a dû payer ça du sur mesure, il a dû payer ça une blinde, mais il est content. Ouais. Ah, bah attends, écoutez comme il est content. Les Français, ils me demandent toujours c'est efficace ou pas, je dis. Parfait. Ah bah voilà, c'est efficace, parfait. Bravo Léon qui a trouvé une solution à son problème de caca devant le portail. Non mais moi perso j'ai grave envie de chier, même si à la pancarte je chie. Hein. Oui. Non mais. Oui, Romano, il voit un caca écrit dessus. Il dit, bon, tiens, c'est... allez, c'est l'endroit où il faut poser. C'est là qu'il faut faire. C'est le winner du jour, Léon le Hollandais qui habite dans les Pyrénées-Atlantiques. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à aller chier devant chez lui. Ouais. C'est route de Rébénac, c'est la départementale 934. Je vous le dis. Hein. Ouais. Et a priori, par rapport à la rue, son portail, il est un peu en renfoncement, donc les gens, ils se calent là pour chier. Quoi. Donc vous reconnaîtrez la maison de Léon et son portail. Il y a le panneau devant, il y en a qu'un comme ça. Voilà. En France, hein. Puis ça pue un peu la merde devant chez lui. Oh. Aussi. Léon qui a bien fait de venir s'installer en France. Ah, salut, ami des Pays-Bas. Ah tiens, mais il n'était pas bête. Jonath, installer un arrosage automatique qui se déclenche quand la personne se met devant le portail. C'est bien ça. Ah ouais, c'est pas con, Jonath, ouais. Bien, Jonath. Bon, on va filer l'idée à Léon, je pense que ça va lui plaire, ça. Ouais. La semaine prochaine, il te fait un arrosage automatique. Il est presque 8h, on va vous offrir donc 1500 euros. On écoute les infos. Le réveil de Star arrive. Siri va réveiller les familles ce matin. Oui, Siri de l'iPhone. Oui, le truc qui parle dans l'iPhone. Ouais. C'est Siri qui réveillera les familles. Et puis votre iPhone 7 justement à gagner. Ce sera dans moins d'une demi-heure à 8h20. Il est 7h56 sur Skyrock. Un peu de silence s'il vous plaît. Et les gagnants sont la desserte Rascog, 39,90€. Avec ses 4 roues, tout roule pour elle. La poêle Umbarlig, 12,99€. Elle est tellement chaleureuse. Et le bol Off-Tast, 50 centimes. À ce prix-là, je l'invite à ma table. Chez Ikea, les prix sont bas toute l'année. Découvrez-les dans le nouveau catalogue et dès maintenant en magasin et sur Ikea.fr. Ikea. GPS, caméra de recul. Oh, elle est vraiment canon ta nouvelle Volkswagen. Hein. Tiens-toi bien, entièrement connectée. Bon, allez, tu la vends combien? Je la vends pas, je viens de l'acheter. Non mais t'as déjà quelqu'un sur le coup, c'est ça? C'est Michel. Bah, Michel, il est à Cancun. Difficile de résister. En septembre, la Golf Match suréquipée est à 270€ par mois, entretien et garantie inclus. Location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier rapport de 2867€. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur Volkswagen.fr.

matins. 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Et bonjour à vous, si vous venez de vous réveiller, de vous brancher sur Skyrock. J'espère que vous allez bien. La journée sera chaude aujourd'hui. On va faire le point avec toi, Rémi. Caliente. Ah, caliente. Mmh. Plus de 10 degrés au-dessus des normales saisonnières. C'est l'été qui continue. L'été indien. Et dans un instant, c'est 1500 € qu'on va encore vous offrir. 1500 €. Si vous répondez Skyrock, c'est pour vous. En ce mercredi matin, préparez-vous. L'enveloppe, c'est toi qui l'as, Romano? Ouais, c'est bon, elle est prête. L'enveloppe des 1500 €. C'est l'enveloppe officielle, hein? Oui, c'est la vraie. D'accord, c'est pas ton numéro de nom. Non. Non, c'est sûr. Hein. Faites-moi confiance. Oui, parce que je suis 113 escrocs ce matin, t'as réussi tous tes conseils pas chers. Et confiance. Les conseils pas chers reviennent à 8h40. À 8h20, on vous offre votre iPhone 7 et on va jouer ce matin à Info ou Mytho. Ouais. On prépare un bel Info ou Mytho avec les infos du monde et nos reporters, les reporters du morning de Skyrock. Et puis, du beau son pour se réveiller. On a prévu un petit Black Eyed Peas. Le premier son qu'on avait écouté des Black Eyed Peas sur Skyrock. C'est comme ça qu'on les a découverts. Ouais, on était les seuls à le jouer. Where is the love? Écoutez avant 8h30. Calvin Harris et Rihanna arrivent, mais tout de suite c'est Rémi, c'est les infos. On va faire le point sur l'actu et on parle donc météo. Ouais, et il fait beau aujourd'hui, hein, vraiment beau partout, même en Ile-de-France. Alors attention, c'est vrai, on l'a dit, le mercure grimpe en flèche. Ce matin, ça va de 12 à 18 dans les terres, de 15 à 20 le long des côtes. Au meilleur de la journée, il fera de 26 à 29 dans le nord, de 27 à 31 degrés en moyenne dans le sud. Et puis là, dans le sud-ouest, ça va grimper entre 35 et 36 en moyenne entre Bordeaux et Biarritz. La pollution, c'est moyen, les indices compris entre 3 et 4. Ça monte à 5 sur Paris, Metz, Nîmes, Marseille, Montpellier et Montauban. Ouais, et le réveil de Star, c'est avec Siri, le Siri de l'iPhone qui va réveiller les familles. Mais tout de suite, les infos, et on va commencer par du sport et les Bleus. La France nous a pas fait rêver hier soir. Les Bleus se sont heurtés au mur biélorusse. On jouait dans le cadre de la qualif pour le Mondial 2018. Ça a été un petit peu mieux en deuxième période. Mais que les 45 minutes ont été longues, les 45 premières minutes. Les hommes de Deschamps ont manqué un petit peu de tout, de mobilité, d'automatisme, d'inspiration. Bref, une première mi-temps à oublier. Il faudra faire mieux dans un mois, le 7 octobre, prochaine rencontre contre la Bulgarie qui s'est imposée, elle, 4 buts à 3 contre le Luxembourg et prend la tête du groupe à l'issue de cette première journée. La Suède et les Pays-Bas se sont neutralisés un but partout. Déception pour le Portugal, champion d'Europe en titre, qui s'incline 2-0 contre la Suisse. Un regain d'espoir pour les Bleuets. L'équipe de France Espoir joue en ce moment les éliminatoires de l'Euro 2017. Et bien, victoire hier soir contre l'Islande, 2-0 sur la pelouse de Caen. Les Français sont désormais deuxième de leur groupe à un petit point de la Macédoine. Deux départements en alerte pour les incendies. Il va faire chaud dans les Landes et la Gironde. L'accès aux forêts est strictement interdit, tout comme les chemins ruraux ou encore les pistes cyclables. Vous pourrez toujours aller vous pavaner un petit peu sur les bases de loisirs qui, elles, restent ouvertes. Trois personnes en garde à vue après l'agression de deux surveillants pénitentiaires à la maison d'arrêt du Val d'Oise à Osny. L'agresseur principal a déjà été entendu. Les enquêteurs veulent savoir s'ils avaient une éventuelle connaissance du projet. Les deux surveillants ont été pris à partie dans une unité spéciale pour détenus radicalisés. Les syndicats demandent plus de moyens et souhaitent un rendez-vous avec le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Plus d'un Français sur 10 qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Résultat d'une étude publiée par l'INSEE hier. Le taux de 14% de la population reste stable par rapport à l'an dernier. 8,8 millions de personnes vivent avec moins de 1 000 € par mois dans notre pays. Les chômeurs et les familles monoparentales sont les plus concernés. Elle était la première femme au monde à avoir été greffée du visage en 2005. Isabelle Dinoir est morte plus de 10 ans après l'opération. Elle était très faible depuis quelques mois après avoir contracté deux cancers. Elle avait été opérée en France après avoir été défigurée par son chien. Fais le point sur le sport maintenant avec ce qui reste. Après le foot, on va parler tennis. Ouais, un seul survivant français à l'US Open de New York, c'est du tennis. Voilà, Gaël Monfils se hisse en demi-finale après sa victoire contre Lucas Pouille. Dommage aussi pour Tsonga qui a jeté l'éponge contre Novak Djokovic. Le français a abandonné au troisième set après une douleur au genou gauche. Mais bon, en même temps, il était mené sur les deux premiers, donc pas trop de regrets. Ouais. Merci pour les infos, Rémi. On fait le point sur l'actu à 8h30 tout à l'heure. On parlera de l'iPhone. Et bon anniversaire, Marcel de Sailly. Ah, Marcel, on l'avait eu au téléphone dans le morning. Ouais. Il rigole tout le temps, il est marrant lui. Il est gentil, Marcel de Sailly. Ouais. Et bon anniversaire, Marcel. Eh, Marcel. Allez, bon anniversaire, Marcel. Et à tout à l'heure, Rémi. Il est 8h06 sur Skyrock. C'est l'heure de vous offrir 1500 € à gagner. Ah, c'est bien l'heure. Vous faites comme Gwendoline, elle a gagné il y a une demi-heure. Elle a gagné au Mans, elle a répondu Skyrock. Et c'est la même chose qu'il faut faire pour gagner 1500 €. Chaque matin, le morning de Difool te réveille en direct de l'appart de Difool. Bon, je vous fais visiter vite fait. Ici, c'est la cuisine où Difool essaie encore de faire du café. Romano, là, il est en train de... Voilà. Cariole est sous la douche. Et dans la salle à manger, il y a Cédric et Rémi en train de bouffer tous les croissants. Oh non, sérieux les gars, non. 6h-9h. The Morning Show. Le morning de Difool sur Skyrock. Et ouais, voilà ce qui se passe juste avant qu'on démarre l'émission à 6h du matin. Voilà ce qu'on vit tous les matins en direct de l'appart. Voilà les coulisses. Sur Skyrock, c'est les coulisses qu'on vous fait découvrir. Ah, j'ai Siri qui est avec nous. Bonjour Siri. Romano, où est ta carte bleue? Je ne vais pas me commander tout seul. Ah, mais je compte pas te commander, Siri. Romano, il y a Siri, il veut ta carte bleue. Ah non, mais moi je l'achèterai pas l'iPhone 7. Hein. Pourquoi tu veux pas l'acheter? Ah ouais? Ah non, mais. Mais t'as vu le prix qui coûte? Et si moi je le veux pour mon anniversaire? Ah oui, t'as déjà eu l'iPhone 6S Plus, donc tu vas pas faire chier tous les ans. Il faut le nouveau. Le nouveau, on vous l'offre. Tout à l'heure à 7h20, à 8h20 d'ailleurs. Toutes les heures avant, on vous offre l'iPhone 7 tout au long de la semaine. La voix de Difool est tellement belle que mon micro est amoureux de lui. Merci. Il est sympa ce Siri, hein, il est gentil comme tout. Oui. Attention, je glisse comme un surf après une prise en main de Cédric. Ah, bah c'est parce qu'il a les mains grasses. Ah, ouais, très grasses. Mais oui, il a les mains grasses, Siri. Cariole, est-ce que tu veux me frotter l'écran tactile? Si tu veux, Siri. Siri est un obsédé sexuel. Et elle répond, la débile. Et Siri elle réveille les familles. C'est lui la star du jour. Le réveil de star à 8h15. Dans un instant, on retrouve le réveil de star. Attention. Tout de suite, 1500 euros dans l'enveloppe. C'est bon, l'enveloppe est prête. Allez, go. Comment gagner 1500 euros en moins d'une seconde? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning Show. Et ouais, on appelle dans toute la France. C'est tombé depuis lundi au Havre, à Grenoble, à Montpellier. C'est également tombé à Lens, à Besançon. C'est tombé à Nantes, à Nanterre, à Nancy, à Draveil, à Lormont, à Orléans, à Lille. En fait, le tour de France. Hein, vous avez et là, ça va peut-être tomber dans le 94. Ah ah, le 94. Avec la ville de Cachan. Ah, on va à Cachan. Et c'est Miss Jocelyne. Miss? Miss, M-I-S. Ah, son nom c'est Miss? Jocelyne, j'imagine c'est son prénom. J'imagine aussi. C'est marrant de s'appeler Miss. Ouais. Moi, si t'es un garçon. Allô, oui? Oui, bah tiens, ça tombe bien. Bonjour, monsieur Miss. C'est Jocelyne? Non, je crois pas que c'est Jocelyne. Vous êtes pas Jocelyne, vous? Ah non. Ah, dommage, tu avais une voix si sensuelle. Pour une Jocelyne, oui. Bon, c'est la radio au téléphone, on est en direct à la radio. On a tiré ton numéro de téléphone au soir dans l'annuaire. Et on t'appelle pour t'offrir 1500 euros. C'est comment ton prénom, puisque tu t'appelles pas Jocelyne? Jean-Philippe. Jean-Philippe, alors JP, il faut me dire quelle est ta radio préférée. Si t'as la bonne réponse, tu repars avec un chèque de 1500 euros. Waouh, carrément. Faut pas se tromper maintenant. Alors, Jean-Philippe. Ma radio préférée? Oui. Eh ben, j'en ai pas, justement. Ah bah merde alors. Ah bah merde, Jean-Philippe. C'est malheureux, hein. C'est malheureux, hein. Faut venir écouter Skyrock, Jean-Philippe. Skyrock. Eh oui, Skyrock. Ah. 96 FM à Cachan. Tu viens nous écouter, tu vas voir, ça va devenir ta radio préférée. Illico Presto. Ah, sûrement. Et puis surtout, si on t'appelle, n'hésite pas, tu réponds Skyrock, c'est 1500 euros dans ta poche. Eh ben, c'est magnifique. Bah écoute, magnifique pour le prochain coup alors, Jean-Philippe. Hein. La prochaine fois, oui. On te souhaite une bonne journée. Salut Jean-Philippe. Salut Jean-Philippe, salut Cachan. Salut, monsieur Miss. Ciao. Le morning de Difool sur Skyrock. Le morning qui fait. Ah là là là là, le rêve. Dès le réveil. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. qui était en tournée en France cet été avec Skyrock. Ah, j'aurais bien aimé être au concert, mais j'étais en vacances. Hein. Si vous y avez assisté, vous avez de la chance. Rihanna et Calvin Harris, This Is What You Came For. Dans un instant, souvenir avec un grand classique de Sky. Black Eyed Peas. Ouais, Where Is The Love. C'est juste après le réveil de star avec Siri ce matin. Le réveil de star. Une star. Une star. Un appel. On écoute. Oui, c'est pas Bachar Al-Assad, hein, notre réveil de star. Siri, je parle de Siri de l'iPhone. C'est ça. On en parlait dans les infos avec Rémi. On vous l'offre depuis lundi. Le nouvel iPhone 7 est à gagner tous les matins dans le morning sur Skyrock. Dès qu'il sort, on vous l'offre. Il y a présentation d'ailleurs du nouvel iPhone aujourd'hui. Oui, ouais, aujourd'hui c'est la keynote. Ils en sortent un par an. Mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'améliorations avec les nouveaux iPhones, je trouve, moi. Bah si, la batterie dure moins longtemps. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est le problème que j'ai eu avec le 6, moi. Une des principales innovations, c'est qu'il te baisse bien sur la batterie. Ah, t'as remarqué? Ah non, mais ça, même moi j'ai le... J'ai eu le 5, après j'ai eu le 6. C'est vrai que la batterie du 6, elle dure encore moins longtemps. C'est vrai, ouais. Bah ouais, sitôt que tu vas beaucoup sur les applis, ouais, ça bouffe la batterie à tout va. Exactement. Mais on a la star de l'iPhone, c'est Siri qui est avec nous. Allô? Oui, Siri. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. J'ai un problème. Qu'est-ce qui t'arrive? Ta voix me fait vibrer. Oh, mais c'est pas grave. Ah, bah là, il y a pire dans la vie. Oui, ce matin, on a appelé un resto qui était ouvert, qui est ouvert toute la nuit, 24h sur 24, et on l'a mis en contact avec Siri. On va voir si la connexion s'est bien faite. Le resto et Siri, c'est dans le réveil de star sur Skyrock. Allez, vas-y, Siri. On va tomber sur quelqu'un du resto. Et on va le mettre en contact avec un téléphone, vous allez voir. À 8h15. Allô. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment allez-vous? C'est impeccable. J'ai un problème. Dites-moi. Je suis bloqué dans le corps d'un téléphone. Ah, mince. Ta voix me fait vibrer. Ah bah, tant mieux. Je parle plusieurs langues, j'ai envie de la tienne. Ah bah, vas-y, viens. Je trouve que la connexion passe bien entre nous, surtout en Bluetooth. Tu m'étonnes. Viens me déverrouiller avec ton doigt sale. Oh, avec ma grosse bite plutôt. MDR, lol. Mais elle est pas plus propre, hein, je te rassure. J'ai perdu mon trou à écouteurs. Ah bah mince alors. Je vais t'en faire un deuxième, c'est pas grave. Je t'ai filmé nu avec ma caméra 4K. Oui c'est possible, oui. Maintenant que tu me le dis, j'ai vu quelque chose. Ouais. J'ai 64 bits de puissance. Ah bah tant mieux. Mon détecteur de visage te trouve pas très beau. Ah bah il a raison, hein. Même moi je me trouve moche alors, tu sais. Même avec les effets spéciaux de iMovie, j'arrive pas à rattraper ton look de merde. Je connais ton adresse grâce à mon GPS géolocalisé. Wow. D'accord, bah tant mieux. J'étais à la recherche d'un imbécile, ma boussole numérique m'a indiqué ta maison. Eh bah il a bien fait. C'est le roi des cons ici à l'appareil. Ah bah tiens. Je coûte au minimum 790€. Ah bah oui, je pense que c'est même pas cher pour une nuit. Hein. Sors ta carte bleue, je vais pas me commander tout seul. Eh ben y a pas de soucis, moi on a de l'argent ici. Je retourne dans ma boîte, j'ai raconté assez de conneries pour aujourd'hui. C'est bien, c'est vrai. Allez, ça marche. Bonne journée. Merci, bonne journée, ma cool. Oh bah, gros bisous, chérie. Oh, c'est mignon. Gros bisous, chérie. C'était mignon, ça. Mais oui. Siri et une belle histoire d'amour qui a démarré avec le mec qui bossait au resto, là. Ah ouais. Sympa, on le salue d'ailleurs. Sympa, le gars. Il est 8h17, on prépare Info Mytho. Et Siri a gagné. Siri, dans l'iPhone 7. L'iPhone 7 pour vous a gagné sur Skyrock après Black Eyed Peas. Where is the love? Where is the love? Where is the love? Allez, sur Skyrock, where is the love, les Black Eyed Peas? What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mamas. I think the whole world's addicted to the drama. Only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism. But we still got terrorists here living. In the USA, the big CIA. The Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate. And that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all. People killing, people dying. Children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Change. New days are strange. Is the world insane? If love and peace are so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations rise.

Alors. Bah attends, tant qu'on y est, tiens, à partir du moment où tu torches le cul, tu peux aussi laver le sgeg. Vas-y. Bon, Perrine, t'es qualifiée pour Info Mytho. Ça veut dire que maintenant, on va mettre en jeu l'iPhone 7. Il va falloir détecter le mytho de ce matin. Ils ont tous les deux une info à te donner, mais il y en a un qui va te donner, ou une, qui va te donner une fausse info. Ouais. C'est Cariole et Romano. D'accord. Info, faux ou mytho. Qui dit vrai, qui dit faux. À toi de détecter le mytho. Oui, quelle est ton info, Romano? Alors moi, une info qu'on a retrouvée dans la Charente Libre, le journal de Charente-Maritime. Oui. Et là-bas, à côté d'Angoulême, il y a une petite ville qui s'appelle Girac. Girac. Et il y a un enfant qui est né mardi et les parents n'ont rien trouvé de mieux que de l'appeler Kenji. C'est Kenji de Girac. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Info ou mytho? Info ou mytho. Donc ils habitent à Girac, ils ont un gosse, ils l'appellent Kenji parce que c'est Kenji de Girac. Eh ben oui. C'est l'info de Romano. Cariole, ton info. Moi, ça se passe aux Galeries Lafayette de Nantes. Il y a un mec qui a été surpris en train de voler des chaussettes en les avalant. Ah. Voilà, il les mettait dans la bouche. Ah, il mettait les chaussettes dans la bouche pour les avaler. C'est ça. Info ou mytho? C'est original. Oui, c'est original. Il aurait pu les mettre ailleurs, mais on a déjà parlé du cucu il y a un instant. Et ça suffit pour le cucu ce matin dans le morning. Alors, Perrine, qui dit vrai, qui dit faux? Romano, info, Cariole, mytho. Ouais, sûre et certaine? Ouais. Eh bien, on valide la réponse. Est-ce que c'est la bonne réponse? Est-ce que tu vas gagner ton iPhone 7? Et c'est gagné! Ouais, je suis trop contente. Eh oui! Un iPhone 7 qui part en Corse pour toi, Perrine. Génial, de tes amours. Donc Kenji de Girac existe vraiment. Ouais, ouais, il est né. Le divin enfant. Dimanche à 13h32, ouais. Le petit Kenji de Girac pesait 3,470 kg et mesurait 55 cm. Oh. Eh bien, écoute, c'est magnifique. Bienvenue à Kenji. Oui, bienvenue à Kenji de Girac. Et Cariole, c'est pas vrai, le mec, il volait des jeans en fait. Hein. Il a volé 11 jeans, en fait, il était complètement bourré. Il a expliqué que les jeans venaient à lui. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Je ne sais pas ce qui m'arrive. J'attire les jeans quand je vais aux Galeries Lafayette. Ah ouais, ils viennent tous sur moi. C'est ça, les jeans volants. On salue les Galeries Lafayette, on salue Nantes, on salue les Vendéens et on te fait un gros bisou à toi, la Corse, Perrine. Merci, super. Gros bisous. Un bisou à mon homme, c'est son anniversaire. Oh, il a quel âge? Bon, quel âge il a, ton chéri? 31 ans. Bon anniversaire, 31 gros ans. Bisous. Oh là là. Oh, ça avance l'âge. Il va bientôt perdre ses cheveux, avoir de la barbe blanche. Ah, ah si. Bon, et toi, t'as ton iPhone 7, on te l'envoie à la maison, on te fait de gros bisous. Adorable, merci beaucoup. Bisous, Perrine. Ciao. Bisous. Ciao, Perrine. Bisous. Salut à toi. Ken Jones, à écouter tout de suite avec Don't Mind. C'est pour se préparer pour les infos. Une musique qui sent le soleil, vous allez voir. Oh là là là là, Rémi, il a des infos avec du soleil dedans. C'est super. Ouais. Ouais. She telling me this, and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love them all. African American, for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love them all. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go. I said, bonjour, mada. Then she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love them all. C'est bien ça, Ken Jones sur Skyrock. Don't Mind, Soprano arrive, et Soprano arrive en son, puisqu'on va l'écouter avec En Feu. Et il arrive aussi dans la roulette avec des places de concert à gagner. Il va mettre le feu dans toute la France, Soprano. Il a choisi Skyrock pour sa nouvelle tournée dans toute la France, partout en France, et dans la roulette à gagner les places de concert pour Sopra. Sopra se prépare, Rémi est déjà prêt, et je vous parlais du soleil dans les infos. Eh ben ouais, il va faire beau aujourd'hui. Magnifique, voici La météo, allez Rémi, fais-nous rêver. Ouais, très très beau aujourd'hui, du soleil partout, pour tout le monde, même en Ile-de-France. Et un mercure qui va grimper en flèche cet après-midi entre 26 et 29 dans le nord, de 27 à 31 dans le sud en moyenne. Et dans le sud-ouest, 35 degrés à Bordeaux, 36 à Biarritz. Il fait très chaud également à Pau, à Saint-Jean-de-Luz. Si vous êtes au bord de l'Atlantique, vous allez kiffer. Les températures ce matin entre 12 à 17 dans les terres et de 15 à 20 le long des côtes. Et puis la pollution, c'est moyen, les indices sont compris entre 3 et 4. Ça monte à 5 sur Paris, Metz, Nîmes, Marseille, Montpellier et Montauban. Oui, et ben moi je vais peut-être faire le rabat-joie, mais pour moi c'est trop chaud. Ah oui, 35 degrés, ça fait chaud. Mais c'est l'été indien. Ouais, mais quand t'es à la mer, tout ça, quand t'as la plage à côté, c'est cool. Mais 35 degrés quand tu bosses, bon courage à vous. Dites-nous combien il fait d'ailleurs. Envoyez-nous les températures de chez vous là ce matin. On fera un petit point tout à l'heure avant 9h. Ouais. Vous nous envoyez ça avec vos photos sur l'appli Skyrock. Vous nous envoyez ça avec vos messages sur le 41759. Et sur l'appli aussi, ça marche. Et j'ai pas dit que Nantes était en Vendée. On a une info de Nantes, une info de Vendée. J'ai eu plein de messages, je me suis mal exprimé. Je veux pas passer pour un idiot non plus. Donc, non, mais je vois les messages que vous envoyez. On en parlait il y a un instant. Bon, on fait le tour de France de la météo, c'est fait. On fera le tour du sport dans un instant. Mais d'abord, le reste de l'actu avec toi Rémi. Avec le tour de l'iPhone, c'est dans quelques heures qu'aura lieu la fameuse keynote d'Apple pour annoncer ses nouveaux produits de téléphone, à savoir l'iPhone 7 et le 7 Plus. Alors certains disent qu'il n'y aura pas de révolution, mais les rumeurs vont quand même bon train. Le bouton principal, le Home par exemple, devrait être entièrement tactile et reconnaîtra bien évidemment l'empreinte digitale. On pourra peut-être écouter Skyrock via l'application avec des écouteurs ou un casque sans fil. Ouais. La qualité des photos sera bien supérieure aussi. C'est le 7 Plus aura même encore une longueur d'avance. Terminé les modèles 16 Go, on passe direct à 32 hein, pour la version minimale. Côté design, le 7 devrait être plus fin avec une nouvelle couleur proposée, à savoir le noir spatial, un noir un peu mat, voilà, un peu espace quoi. Mmh. Enfin, le prix là, ça pique hein, puisqu'il sera normalement compris entre 710 et 1060 euros. Mais encore une fois, c'est toujours l'omerta avant les annonces à la Silicon Valley, donc prudence. Pas écoute, pourra être utilisé sous l'eau, pourra faire des photos, des vidéos sous l'eau. Il sera un peu plus étanche, ouais. Enfin, il sera plus étanche que ce qu'on a, mais alors de là à aller sous l'eau. Ouais. Par contre, si tu le fais. Il y en a qui vont, il y a une Caterpillar, ils font des téléphones. Mais il paraît d'ailleurs que l'iPhone, moi j'ai pas essayé, j'ai pas envie de le bousiller, mais il paraît que l'iPhone 6, déjà il peut aller sous l'eau. Non, mais vraiment? Bah, j'ai vu ça, ouais. Bah, non, moi, j'ai vu plein de photos. Ouais. J'avais un pote cet été, il avait un Caterpillar, là. Ouais. Et en fait, là, le Caterpillar, tu peux le jeter dans l'eau, même, tu peux l'utiliser dans l'eau, quoi. C'est bien. Tu le mets sous l'eau, tu peux envoyer des messages. Non, mais c'est les Samsung que tu peux mettre sous l'eau. Ouais. Mais en tout cas, pour passer un coup de fil, c'est sympa. Ouais, voilà. C'est qui? Ouais, pour faire des petits selfies dans la piscine, c'est cool. Peut-être sympa, ouais. Voilà. Bon, le reste de l'actu. Après les producteurs de lait, ce sont les éleveurs de bovins qui montrent leur colère. Ils accusent la grande distribution et principalement Carrefour de sous-payer la viande bovine française. Plusieurs opérations coup de poing sont prévu aujourd'hui devant les supermarchés. Mobilisation attendue à Paris, Lyon ou encore à Clermont-Ferrand. Une première réaction de Nicolas Sarkozy, le candidat à la primaire de la droite et du centre, est menacé, vous le savez, d'un renvoi en correctionnel. Cela concerne l'affaire Big Malion et ce financement présumé illégal de la campagne en 2012. L'ex-président a tenu meeting hier soir à Poissy, dans les Yvelines. Il a dit, je cite, « Aucune manipulation, aussi odieuse soit-elle, ne me détournera de ma volonté. » Un étudiant de Sciences Po Lyon placé en détention, il a été interpellé dans le Nord ce week-end. L'individu aurait tiré sur un autre étudiant pour des raisons encore floues. La balle est rentrée dans le dos avant de ressortir par le ventre sans qu'aucun organe vital ne soit touché. Et on parle sport, déception pour les Bleus hier, on a suivi ça dans la Radio Libre. Et on va parler aussi de l'Open, de l'US Open à New York, c'est le tennis. Ouais, et l'équipe de France a concédé le nul 0-0 contre la Biélorussie. On jouait dans le cadre de la qualif pour le Mondial 2018. Bon, ça a été un petit peu mieux en deuxième période, mais les 45 premières minutes ont été décevantes et même ennuyantes. Pour l'instant, c'est la Bulgarie qui est en tête du groupe à l'issue de cette première journée. Les Bulgares ont dominé le Luxembourg 4 buts à 3 et seront nos prochains adversaires le 7 octobre, donc dans tout juste un mois. Seuls les premiers de chaque groupe, je vous le rappelle, sont qualifiés pour le mondial. La Suède et les Pays-Bas se sont neutralisés, un but partout. La mauvaise entrée en matière pour le Portugal qui s'incline sans Ronaldo, 2-0 face à la Suisse. Et puis, du côté de l'US Open de New York, on avait 3 Français, il n'en reste plus qu'un, c'est Gaël Monfils qui se hisse en demi-finale après sa victoire contre Lucas Pouille. Tsonga n'a rien pu faire contre le numéro 1 mondial, le Serbe Novak Djokovic. Le Français a abandonné au 3ème set suite à une douleur au genou, mais de toute façon, il était mené de 7 à rien. Voilà. Fini pour deux Français, mais on en garde un, c'est bien. On en garde un, c'est déjà bien. Merci Rémi pour les infos, on t'en retrouve dans une demi-heure. Non, on t'en retrouve plus. Non, mais je suis là. Mais tu es là, on sait jamais si. Ah, tu restes. Si quelque chose arrive, je ne sais pas. un 40 degrés quelque part en France. Ah oui, pourquoi pas. Il est 8h38 déjà sur Skyrock. En direct de l'appart. The morning show. C'est le morning de Default sur Skyrock. The morning show. Oui, votre morning tous les matins dès 6h. Encore une belle matinée, une belle journée avec plein de soleil. Ah, il fait déjà 22 degrés du côté de Bayonne. Il y a Yaya Elias qui nous envoie la photo de sa voiture. Oh putain, t'as le plein d'essence, Elias. Tu vas pouvoir aller loin. 8h35, 22 degrés. Eh ben, il fait bien chaud, dites donc. Et il fait 22 degrés aussi du côté de Marseille ce matin. C'est Vanessa qui nous envoyait un message. Ah, génial. Magnifique. Oh là, un petit peu moins chaud du côté de Clermont-Ferrand. On est à 15. Eh bien, écoutez, merci pour les messages que vous nous envoyez. 16 degrés du côté du 02. Merci, Jules, pour ton message à toi aussi. Et puis, les conseils pas chers arrivent. Pour passer à autre chose, tu fais rien sur la chaleur ce matin, Romano? Ah, bah, ça peut jouer les gens qui puent. Ah oui, bah, très bien. Très bon sujet concernant la chaleur. Oui, les odeurs en tout genre. Oui. Alors, on va se. Pourquoi tu rigoles? On va se focaliser. Et pourquoi tu regardes en face de toi? Non, parce qu'en fait, je vais vous expliquer ce qui se passe un peu en antenne. Oui. Cédric nous fait une crise de nerfs parce qu'avec Guy Foul, on a remarqué que depuis lundi, il a le même pull. Oui. Quoi, le même t-shirt? C'est vrai. Non, c'est un pull. Mais non, c'est un truc à manche. Un t-shirt, c'est ça. C'est un truc à manche courte. Donc, c'est un t-shirt. Oui. Et Cédric fait du boudin depuis tout à l'heure en disant, voilà, non, je suis pas sale. Non, ah, je suis pas sale. Donc, un conseil pas cher qui concerne. Avec les odeurs de pieds. Ah, ça c'est horrible. Ah, ça c'est horrible. Ah, ouais, eh ben, j'ai peut-être la solution. Ah, moi, j'ai des souvenirs horribles de cours de sport où tout le monde se retrouve dans les vestiaires. Et puis, il y en a un qui pue, un ou plusieurs d'ailleurs, qui pue des pieds. C'est un truc abominable. Voilà, coucou dit foule. Oui, ah, salut, non. Tu as la solution pour ça? Ouais, la solution miracle, des chaussettes révolutionnaires. Bon, on en reparle dans les conseils pas chers. 100% de réussite dans les conseils pas chers. Est-ce que ça va continuer? Bah, j'espère. Déjà, je vais vendre une paire de chaussettes pour Cédric. Tu parles un soir, t'es venu dans le studio, gros, ça pue à la mort. Réponse dans un instant. Allez, il est l'heure de vous offrir 1 500 euros. Toutes les demi-heures sur Skyrock, vous gagnez 1 500 euros. On vous appelle, on vous demande quelle est votre radio préférée. Vous répondez Skyrock et c'est dans la poche. Comment gagner 1 500 euros en moins d'une seconde? C'est Skyrock. En répondant Skyrock. Morning show. Ouais, et c'est parti. L'enveloppe est ouverte et je vous amène dans le sud de la France. Attention, amis sudistes. C'est bien, c'est tombé à Avignon pour l'iPhone et là on va filer. Non, c'est tombé en Corse pour l'iPhone et là on va filer à Avignon. C'est parti à Avignon où il fera, oh là là, 31, 32 degrés aujourd'hui. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On va chez la famille Garcia, comme le sergent. Ouais. C'est Sabine Garcia qu'on appelle. Et on veut lui demander quelle est sa radio préférée. Il faut qu'elle réponde Skyrock. C'est tombé il y a une heure d'ailleurs. Enfin, gros bisous à Gwendoline. Bravo, Gwendo. Ouais, elle a gagné au Mans. Bravo, Gwendo. 1500 euros pour Sabine Garcia. Troisième sonnerie. Il faut répondre avant la cinquième. Attention. 1500 euros, plus qu'une sonnerie pour les Garcia. Allô? Allô, monsieur? C'est bon. Bonjour, monsieur Garcia, comment allez-vous? Présentez-vous, monsieur, je vous connais pas, là. Ah, moi, je vous connais, vous êtes sergent, vous, hein, je vous ai vu à la télé. Hein. Ah oui, on connaît. Bon. Ah, c'est pour ça que je ne m'appelle pas monsieur Garcia. Ah, vous n'êtes pas monsieur Garcia, parce que moi j'appelais. Non, monsieur Perdrier, vous faites erreur. Ah, bonjour, monsieur Perdrier, j'appelais Sabine, moi, Sabine Garcia, mais c'est pas grave, je vais vous garder. C'est la radio au téléphone, monsieur. Et on vous appelle en direct ce matin pour vous offrir 1500 euros. C'est vrai. C'est pas une blague. Eh non, c'est du sérieux. Et il me raccroche à la gueule. Voilà, mais il avait l'air emballé. Eh bien, tant pis pour lui. Il gagnera pas les 1500 euros. Non. Désolé pour monsieur Garcia. Ouais, ouais, raté. Eh ouais, on garde le chèque pour le prochain coup. Si vous voulez augmenter vos chances de gagner, n'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire sur le 72020. Vous envoyez 1500 au 72020. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Gwendoline. Elle nous a expliqué ça tout à l'heure. Et elle a gagné. Et elle a gagné. 1500 au 72020. Et vous serez peut-être tiré au sort pour le prochain rendez-vous des 1500 euros. C'est tous les matins. C'est sur Skyrock, toutes les demi-heures dans le morning. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Oui. Ah bah tiens, on reste dans le sud là. À Marseille. Soprano et en feu sur Skyrock. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis le reste de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait passer boum dans la nuit car sors de la piste, fais une grande carte de Vanda. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien fait. Si tu me parles, rien fait. Si tu me touches, rien fait. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu. Je suis en feu. Car moi ce d'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Je suis en feu. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je suis en feu. Je sors de deux heures de sport, amène-moi des tirineurs. Je suis en feu. Comme ce grand blondinet énervé contre Freezer. Je suis en feu. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Je suis en feu. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Je suis en feu. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Je suis en feu. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je suis en feu. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien ne peut. Si tu me parles, rien ne peut. Si tu me touches, rien ne peut. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Je suis en feu. Ça sent le brûlé, ça sent, ça sent le brûlé. Soprano, une découverte Skyrock, une découverte qu'on vous a passé cet été. Soprano en tournée dans toute la France et les places à gagner dans la roulette dans, allez, moins d'un quart d'heure. Oh oui, bien moins d'un quart d'heure, je lance le top, restez bien sur Sky. Voici les conseils pas chers et on parle de, bah ouais, on parle d'odeur parce que quand il fait chaud et qu'il fait beau, comme aujourd'hui, surtout quand il fait chaud, hein. Ouais. Eh ouais, les gens, tu te rends compte qu'ils sont pas toujours très très clean. Et il y en a qui suent. Ah bah il y en a qui suent. Ah bah il y en a qui puent tout court même. Oui oui. Bah là genre juste une lettre, t'as su et t'as pu. Hein. Là il suit, il pue des pieds. Bah j'ai la solution miracle. Eh bien écoutez, les températures que je vous ai demandé défilent. Il fait chaud dans toute la France. Déjà 20 degrés à Dunkerque. Et ouais, nous dit Tonio du 59. Un record. 20 degrés à Cahors. Il fait aussi chaud à Cahors dans le sud-ouest qu'à Dunkerque. Ouais, il va faire chaud partout. 22 degrés à Bastia. 12 degrés seulement à Vichy. Ah bah nom de Dieu. Eh bah il fait pas chaud dans l'Allier. 27 degrés sur Paris déjà. Non, moi j'avais moins là sur la terrasse là. Hein, 27 degrés, bah c'est au soleil peut-être. Hein. 21 degrés à l'île de Ré. Bonjour l'île de Ré qui nous écoute. Tu vas aller faire un petit tour à l'île de Ré, Romano, je crois, non? Pas là, mais. Romano est fan du camping de l'île de Ré. Il n'y est pas allé cet été. Je me suis dit, il va se prendre un week-end. Non, mais j'ai peut-être allé voir des potes pour picoler. Ah, je me disais aussi. Ah, bah, carriole, d'accord. C'est ouais, la base. Ah, quand même. 17 degrés à 3. Bon, il fait déjà chaud hein, ce matin. Et cet après-midi, on va, dans plein de régions, largement dépasser les 30 degrés. Donc, ton conseil pas cher est très utile, Romano. Voici les nouvelles chaussettes qui déchirent. Les chaussettes Curtex. C'est des chaussettes qui sont comme les mangas japonaises. Oui, c'est ça. Des chaussettes japonaises faites en matière spéciale qui absorbent les odeurs de pieds. Donc, tu ne pues plus des pieds, en tout cas pour les autres. Mais ils devraient faire d'ailleurs des habits entiers comme ça. Ah ouais? Ouais, ouais. Des chemises, existe, hein. Des slips, des. Les trucs de cyclistes, c'est des matières qui sont faites exprès, je crois, pour aspirer la. Non, la mais sueur. Ça pue, ça, les cyclistes, là. Ah ouais? Bah, tu transpires là-dedans, hein. Ah, là, c'est en papier washi. Ah, oh. Ah, bah, c'est ça, c'est du papier washi, je me disais aussi. Bon, conseil pas cher. Romano est prêt à n'importe quoi pour gagner de l'argent. Il a même vendu des pilules à Usain Bolt. Ouais. C'est les conseils pas chers sur Skyrock. Donc, les chaussettes Curtex, une révolution pour ceux qui puent des pieds. Ouais, bon, la révolution a quand même un prix, c'est 23 euros la paire. Pour des chaussettes, c'est pas donné. Je me méfie des trucs dans lesquels ils disent c'est une révolution parce que Apple, ils arrêtent pas de faire c'est une révolution. Et le truc te coûte les yeux de la tête. Non, mais c'est fait en même matière que les kimonos d'été. Oh, c'est ça. Les révolutions coûtent cher alors. C'est le en papier washi. Ah, mais c'est papier japonais a des propriétés antiseptiques et anti-odeurs. C'est bien. Alors on va chez qui? Non, on va chez Gérard. Gérard et puis des pieds. Hein. T'as le prix de ce truc? Ouais, c'est 23 euros. 23 euros, t'as dit. Sur internet, ça s'achète. D'accord. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est Gérard. Non, mais faut pas me remettre ça là-haut. Oui, bah Gérard, écoute, je t'appelle. Je suis au courant. Ne sois pas gêné, choqué. Oui, ne sois pas gêné. Tu pues des pieds. Je suis au courant. Oui, on nous en a parlé. Ah, mais il a honte. C'est vrai que c'est la honte. Ah ouais, bah, oui. Non, mais parfois t'as des petites espèces de petits maladies aux pieds. T'as beau te les laver, hein, Cédric. Hein. Ah là, moi ça va. Hein. Ah ouais. Tu t'en rends pas compte, mais t'es une maladie du nez aussi. Oui, t'es une maladie du nez. Je parle de... Parce que vous moquez de moi parce que j'ai un grand nez, bah tu ferais bien de t'en acheter un comme moi, Cédric. Parce que le mien, il est grand, mais il sent bien. Ah ouais, ouais. Ça va aller. Malheureusement. C'est qui là? Là, je t'ai dit, c'est David, faut écouter. Allô, David? Ah oui. Oui, bonjour, comment tu vas? Oui. Parler anglais? Yeah. Ah, yes, I speak English, yeah. Ah, good. Hey, good. Okay, how are you today? I'm very well, how are you? Fine. I have a problem with you. A problem with me? Yeah, yes. You don't think so. Ah, si, si, you yes. You smell a lot of... feet. Of feet. Your feet smell bad. No. Ah, si, si, si, si, si, si. I have sockets for you. Yeah, socks. Socks. Yeah, socks. Socks, special socks. Special socks. For smell, yeah. Ah, no, I have no problem. Ah, si, si, you have a problem. A big problem. I have a friend qui smell beaucoup lui aussi. Yes, yes. His name is Cédric. Cédric. Fais gaffe, toi. Ah, you smell a lot. Je schmelle rien du tout. You schmelle, non, c'est you smell. Non, je schmelle rien. C'est du schmelle. Je schmelle rien. Yes, yes. Yes, my friend smell shit. Of feet. I think I have to go to work. No, no, David. I arrive at home for the socks. It's no. Not, no, it's not expensive. It's only 100 euros. Ah, quand même. The sock. Oh, ah, ouais. Okay, donc 200 les deux. You have two feet? Yes, 2 feet. You got two? No. No, tu l'as d'accord. Very nice feet. Ah, very nice meat, mais qui smell beaucoup. Nice feet. Ça smell. Non, ça schmell. Ah, c'est ça. Tu vas me dire des pieds qui smell, c'est normal. Bon, I arrive at home for the socks. Oui, we bring you the socks. Do a coffee for me, please. No, I have to go to work. No, no, no, it's impossible. Merci pour la téléphone. No, you smell trop des pieds. Ah, non. Ah, si, si. I arrive. I arrive subitly. No, no. Merci. Doria, thank you very much. Thank you, David. Ciao, David. Allez, on a fait un peu d'italien à la fin, on a fait de l'anglais. Skyrock, c'est multilingue. Non, mais puis Cédric, il parle bien anglais. Ouais. Voilà, I schmel. I schmel. Mec, tu peux parler avec moi. Il est 8h50, dans une minute, votre horoscope de l'amour et la compile du jour. C'est sur les galères d'iPhone ce matin. Eh oui, des gens ont eu des galères d'iPhone. Ça arrive. Ça s'est passé récemment, cet été. On a fait une petite compile des galères avec leur iPhone. D'ailleurs, si vous avez déjà eu une galère avec votre téléphone, galère. Laissez-nous vos messages au 41759 ou sur l'appli Skyrock. On récupère tout ça. Ça défile directement dans l'appart, dans les studios, sur l'écran qui est là, juste en face de mon nez. Là. Voilà, ça s'écrit Eichmann. Eichmann, très bien. On parle donc des galères d'Eichmann. Là. Et l'horoscope dans une minute sur Skyrock. Et le son qui arrive aussi, DJ Snake et Justin Bieber. Madame Thierry, vous êtes diététicienne et vous souhaitez nous parler du petit déjeuner. Oui, il est vraiment essentiel de prendre un petit déjeuner complet tous les matins. Et le lait Viva de Candia peut y contribuer? Tout à fait. Aujourd'hui, 60% des adolescents manquent de calcium. Or, un bol de lait Viva chaque matin apporte près de 40% de leurs besoins journaliers. Viva de Candia, c'est aussi des vitamines. Exact. C'est pourquoi Viva est un lait si complet. Viva contient de la vitamine D, qui manque à près d'un Français sur deux, et 10 autres vitamines indispensables à notre organisme. Des vitamines, du calcium, pour un petit déjeuner complet, on peut faire confiance à Viva de Candia. Merci Madame Thierry. Merci. Viva ! Un peu de silence s'il vous plaît. Et les gagnants sont la desserte Rascog, 39,90€. Avec ses quatre roues, tout roule pour elle. La poêle Umbar League, 12,99€. Elle est tellement chaleureuse. Et le bol Off Tast, 50 centimes. À ce prix-là, je l'invite à ma table. Chez Ikea, les prix sont bas toute l'année. Découvrez-les dans le nouveau catalogue et dès maintenant en magasin et sur Ikea.fr. Ikea. Horoscope de l'amour, c'est parti. Place à l'amour tout de suite sur Sky. Vas-tu avoir une bonne note ce matin? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Allez, remise des notes, la puissance amoureuse de tous les signes. On commence par ceux qui sont à 0 sur 5, les gémeaux et les balances. Attention, attention à quelqu'un qui peut se mêler de votre vie sentimentale. Si c'est le cas, faites-lui comprendre que ça vous regarde et que c'est pas ses affaires. Gémeaux, balance, 0, 1 sur 5, les sagittaires et les taureaux. Ne prenez pas de grandes décisions en amour aujourd'hui. Attendez plutôt demain, ou vendredi, ou ce week-end. Rien n'est urgent en tout cas. 2 sur 5, les verseaux et les cancers. Ne restez pas dans votre coin, vous avez envie de rester un petit peu tout seul aujourd'hui. Eh bien non, ne restez pas tout seul, vous passerez une bien meilleure journée. 3 sur 5, les poissons et les lions. Vous êtes d'humeur romantique, les poissons et les lions, aujourd'hui. Ça fera plaisir aux gens qui vous aiment. 4 sur 5, les scorpions et les vierges. Pour les célibataires, c'est le bon jour pour faire le premier pas si vous avez quelqu'un en vue. Et pour les couples, vous saurez trouver les mots pour exciter votre partenaire. Une journée qui sera chaude et pas qu'au niveau de la météo et des températures aujourd'hui. Et 5 sur 5, les meilleurs, les capricornes. Comme toi, Difool. Et les béliers, merci de m'interrompre. Non, mais de rien. Les capricornes et les béliers, votre charme ne passera pas inaperçu. Vous savez que je m'en suis rendu compte en me regardant ce matin dans la glace. Incroyable. Incroyable. Je me suis regardé pendant une bonne demi-heure. Mais c'est pas possible, mais tu as du charme aujourd'hui. Vous pourriez même déclencher quelques jalousies sans le vouloir. Les capricornes et les béliers, 5 sur 5, c'est nous les meilleurs. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. To believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Justin Bieber sur le son de DJ Snake, c'était Let Me Love You. Et inscription pour la roulette, c'est parti, vous vous inscrivez au 40, non, au 720. 720, vous envoyez 720. Roulette. Ouais, vous envoyez roulette, vous nous envoyez roulette très très vite et on fait tourner la roulette dans moins de 10 minutes. Vite, vite, vite, les inscriptions, vous irez voir Soprano dans toute la France en tournée Skyrock, évidemment. Soprano qui vient forcément près de chez vous, il a un paquet de dates, hein. Je vous ai fait la liste hier, je vais pas vous la refaire aujourd'hui. Parce qu'autrement, on en a pour 10 minutes. Mais en tout cas, les dates sont disponibles sur le skyrock.fm. Et les places au 720, vous envoyez roulette et vous irez voir le grand Sopra en tournée dans toute la France. Avec Sky, ça va tourner, mais tout de suite, c'est la compile du jour. La compile du morning de Difool sur Skyrock. Alors, la compile du morning aujourd'hui, c'est une compile sur ce qui s'est passé cet été avec leur iPhone. Ils ont eu une galère avec leur iPhone. On a le classement. Vous avez déjà eu une galère avec votre iPhone? Non, moi, il est déjà été en surchauffe. Ouais, moi aussi, ouais. À la plage. Ah ouais, moi aussi j'ai eu ça. Ouais, avec le thermomètre rouge là qui s'affiche dessus. Je me demandais ce qui se passait moi aussi. Ouais ouais, bah c'est surchauffe. Après il faut le mettre un peu au frigo et il redescend en température. Très bien. Et après il prend pas froid. Non, c'est bon. Il prend pas un rhume. Au pire tu mets une petite écharpe, ça ira. Très bien. Vous avez eu une galère avec votre iPhone ? Eh bien, vous n'êtes pas les seuls. La preuve, voici tout de suite donc la compile du jour. Oui, qu'est-ce qui se passe, Siri ? Ma caméra frontale n'a pas assez de pixels pour prendre le nez de Difool en photo. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais il va pas lui, non. Il n'a pas assez de pixels pour prendre le nez de Difool en photo, non mais oh. Cette nuit, j'ai grillé Romano fouillé dans les cartons du service cadeau de Skyrock pour me revendre. Mmh. Quel voleur. Quel voleur. Mais j'ai rien fait. Non, menteur. C'est une balance, cet iPhone. Menteur, je suis innocent. L'iPhone 7. Fout un coup de marteau sur l'écran, moi. Bon, on fait le point donc sur le top 3 de notre compile. Pas facile à dire. Mais numéro 3. Numéro 3. Un client d'Orange a commandé un iPhone. Et devinez ce qu'il a reçu à la place. Une photo de l'iPhone. Non. Attends, qu'est-ce que... Un câble. Non. Rien. Non, il a reçu un truc. Je sais pas, un Alcatel. Non. un paquet de sucre. Ah, mais c'est sympa. Ah, c'est gentil. Oui. Et un autre avait commandé aussi. Lui, il a reçu une boîte de lait de coco. À mon avis, il se passe quelque chose au service livraison ou à la poste. Je sais ouais, pas. Ouais, il doit y avoir de la fauche, ouais. Orange a ouvert une enquête. On vous tiendra au courant. Et oui, une galère d'iPhone. Tu commandes ton iPhone. T'es content. Tu vois le paquet arriver. Et dedans, un paquet de sucre. Ouais, super, ouais. Alors. Numéro 2. Numéro 2. Ah oui. Alors ça, c'est beaucoup plus grave. En Angleterre. Il a acheté un iPhone, il l'a mis dans sa poche et il a eu un petit problème. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Bah, je sais pas, il l'a tordu ? Non. Il a éclaté l'écran ? Non. Il l'a perdu ? Non. Je donne un indice, Cédric. Il a chié dessus ? Non. Oh, ça va, toi ? Je donne un deuxième indice, problème physique. Attends, il l'avait dans la poche du son jean ? Ouais, dans la poche son jean. Il a eu une petite surprise. Indice, Cédric et problème physique. Je sais pas, les couilles, elles ont grossi ? Non. Le ventre ? Ça va pas, non ? Non plus. Il est devenu précoce à cause de ça ? Il est devenu précoce à... Non. Stérile. Je donne un autre indice. Oh bah si je vous dis ça, je vous dis tout. Acné. Bouton ? Ouais. Le mec a été surpris de constater une éruption cutanée, mais un truc abominable. Ah putain, le mec, il a pas de bol, il est allergique à l'iPhone. Ouais, le mec s'est aperçu, il allait voir son médecin et le médecin lui a dit, vous êtes allergique à votre iPhone. Allergique à l'un des composants de l'iPhone. Malgré l'avis médical, Apple refuse de le rembourser en reprenant le téléphone. Ah bah voilà. Voilà. Bravo, il est bien content. Et le numéro 1 de la compile. Numéro 1, c'est un japonais. Mon doigt. Un japonais qui a eu un petit souci. Il est allé au zoo. Un titi. Et il était avec son iPhone et il voit des singes. Et il se dit, tiens, je vais faire des photos des singes. Je vais filmer le singe. Et le singe, il s'est barré avec. Ah ouais. Attends. Donc le mec fait des photos, filme le singe. Le macaque a pris la pose, tout ça, tranquille. Genre beau gosse. Beau gosse. Avant de passer à l'action, à ce moment-là, il prend l'iPhone. Il se barre avec et il le jette dans le lac. Ça suffit de prendre des photos. Voilà. Trop mignon. Oh, c'est mignon. Ah, bah, ouais, c'est mignon. Tu viens juste de perdre quasiment 1000 balles. Voilà, 1000 balles. Bon, bah, lui, ça aurait pu être le galérien du jour aussi, hein. Voilà, c'était la compile de Ils ont une galère avec leur iPhone. Eh ben, voilà. Allez, 9h01, la roulette tourne dans un instant. Soprano, c'est pour vous, c'est sur Skyrock. Grand volume intérieur, détecteur de fatigue, GPS. J'adore. Et totalement connecté. Je crois que je vais vous la prendre. Ah ouais, en revanche, ça va pas être possible. Et pourquoi ça ? Parce que je l'ai vu le premier, en fait. Non, mais c'est... Là, c'est vous le vendeur, là. Oh, ça va. Difficile de résister. En septembre, l'Apollo All-Star suréquipé est à 140€ par mois, entretien et garantie inclus. Location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier rapport de 1 606€. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur volkswagen.fr. À l'occasion de la rentrée des classes, achetez un pot de Nutella et recevez 8 étiquettes personnalisées pour vos enfants. Emma, Enzo, Chloé, Nathan. Alors rendez-vous en magasin. Offre valable jusqu'au 30 septembre sur les pots porteurs de l'offre, voire conditions sur Nutella.com. Nutella réveille notre enthousiasme. Pour votre santé, bougez plus. C'est la rentrée No Stress chez But. En ce moment, profitez de moins 50% sur de nombreux produits. Oui, jusqu'à moins 50%. But, c'est nous. Produits et réductions signalés en magasin et sur but.fr. Le happy 55e anniversaire Auchan continue. Chérie, c'est encore l'anniversaire Auchan. Et alors ? Eh ben, c'est encore le moment de profiter de bonnes affaires. Jusqu'à mardi chez Auchan, pour l'achat d'un paquet méga format de 54 dosettes de café Senseo, le deuxième est à moins 60%. Ça fait 8,04€ les 108 dosettes Senseo au lieu de 11,48€.

matin, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Et on est dans la dernière ligne droite du morning sur Skyrock avant de retrouver le son de Skyrock qui ne s'arrêtera pas jusqu'à... jusqu'à Planète Rap 20h. Ouais, et après on arrivera derrière. Et dans Planète Rap, il y a plein de sons, des découvertes et le ghetto phénomène à ne pas louper d'ailleurs dans Planète Rap. Grosse semaine Planète Rap, c'est les potes de Joule. Ouais. Ouais, on en reparlera avec Fredo ce soir à 20h, puis Fredo qui arrive pour ambiancer la matinée là et vous balancer le meilleur son du monde sur la première radio urbaine mondiale, Skyrock. Je suis là. Bonjour mon Fredo. Ça va ? Salut Fredo. Je suis prêt, je suis dans les starting blocks. Oui, et bien nous on est prêt aussi. Je crois qu'il y en a un autre qui est dans les starting blocks comme toi, Fred. Oui. C'est Laurent qui est avec nous en direct de Marseille. Salut Laurent. Bonjour Skyrock. Bonjour. Salut Lolo. Je disais Skyrock, première radio urbaine mondiale, mais Skyrock, première radio toute confondue à Marseille. Merci les Marseillais. Bravo Laurent. Marseille. Bravo. J'ai gagné un truc. Les gars. Oui. Nous aussi. Bon, on a des places pour Soprano. Ben, on est très Marseille. Alors, tu vas aller voir Soprano. Tu sais qu'il passe au Vélodrome, hein, Laurent. Oui, j'adore Soprano. Et le nouveau stade Vélodrome va accueillir le 7 octobre 2017, dans un mois et un an. Ouais. Soprano à Marseille au Vélodrome, ça va être de la folie. Il l'avait annoncé d'ailleurs en exclu dans la Radio Libre. C'est vrai. Eh bien, pour toi Laurent, la roulette qui tourne, c'est parti. Skyrock t'offre 200 places de concert Soprano. 200 places à gagner, peut-être 2 pour toi. C'est parti Laurent, fais tourner, tu sais comment ça marche, on dit stop. Hein. Oui, j'ai dit stop. Allez, vas-y. Top. J'imagine qu'il y a un grand soleil qui fait déjà bien chaud à Marseille. Il fait bien chaud là. Et bien chaud. Tu sais qu'il fera plus chaud aujourd'hui à Paris qu'à Marseille. Eh ben voilà. D'après la météo. Ouais. Ça va chauffer aussi pour toi au Vélodrome. Tu gagnes tes places pour aller voir Soprano, super, Laurent. Bravo. Eh ben oui. Merci à vous les gars. Eh bravo à toi, t'as raison d'être content. Hein. 200 places à gagner, 2 pour toi. Il y en aura 2 toute la journée avec toute l'équipe, avec Fred d'ailleurs dans un instant. Et pour toi, 2 places, tu vas y aller avec qui, Lolo ? Avec la copine. Avec la copine. Eh ben tu feras une bise à ta chérie. Comment s'appelle ta chérie ? Elle s'appelle Camille. Eh bien on fait une bise à Camille. Un bisou Camille. Et bravo à toi Laurent. Bonne journée à Marseille. Allez, ciao. Et puis ciao. Si vous avez envie de faire tourner, restez bien sur Skyrock, ça va tourner dans la matinée, je vous le disais, dans la journée avec toute l'équipe aussi. Fred aura des roulettes. Oui, ça va rouler dans tous les sens. Fred a roulettes, ça me rappelle les blagues. Ouais. Ta grand-mère elle a des roulettes. Bon allez, c'est parti le zap c'est du morning. Ouais, t'as vu. Le zap du morning, qu'est-ce qui s'est passé ce matin depuis 6h ? Ça s'est passé ce matin. C'est le zap du morning sur Skyrock. Le réveil de star de ce matin concerne cette magnifique publicité. La pub des futurinaires. Et la famille qui a été sélectionnée est la famille de Michel et Suzanne. Ah. Ici à l'appareil. Vous êtes un homme. Je crois que j'ai une voix de femme, non ? Demandez conseil à votre médecin. Ça, c'est un gag, ça. Dites futurinaire. Vous avez entendu ? Il demande que vous lui dites votre prénom. Futurinaire. Oui, c'est ça. Oui. Et moi, je m'appelle connasse. Essayez-la en appelant le 3620 et dites futurinaire. Je vous dis, bien des choses, monsieur, et puis c'est pas fort marrant, hein. Bien l'imbécile. De jour comme de nuit, sentez-vous en sécurité. Léon a une petite propriété dans le sud de la France, dans les Pyrénées-Atlantiques. Et sa propriété, il y a un portail. Elle est située sur une route. Et il y a plein d'automobilistes qui s'arrêtent à cet endroit-là, on ne sait pas pourquoi, pour venir faire caca et pipi. 2 ou 3 fois par semaine, il faut nettoyer ici, près de portail, parce qu'on fait du pipi, mais plutôt le caca, dans notre portail. Donc vous reconnaîtrez la maison de Léon et son portail. Il y a le panneau devant, il y en a qu'un comme ça. Voilà. Puis ça pue un peu la merde devant chez vous. Ah. Aussi. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelais concernant l'iPhone 6S Plus que vous vendez. Oui. Et vous le vendez 50€, c'est ce qu'il y a de marqué sur l'annonce. 550€. T'enlèves les 500, vous avez... tu me le lâches à 50 et puis ça ira bien. Je peux passer ce matin ? Ouais. J'arrive. Merci bien. Ah ben voilà. C'est Canal Plus. Bonjour Gwendoline. Bonjour. Tu sais qui c'est au téléphone ? Skyrock. Oh, bravo Gwendoline. Alors si je te demande quelle est ta radio préférée, Gwendo ? Je vous dis Skyrock. Mais tu as bien raison. Et tu viens de gagner 1 500€ en direct sur Skyrock ce matin. Super. Et voilà, 1 500€, bravo Gwendoline. Bravo. Je cherchais le chèque, j'ai cru que tu l'avais volé, Romain. Non, pas du tout. On va lui l'envoyer très vite. Gwendoline au Mans qui a gagné 1 500€. Vous aussi, vous pouvez gagner 1 500€, facile, vous inscrivez au 7-20-20. Vous envoyez 1 500, et mais peut-être que demain, on vous appellera. Ouais. Vous appelez, demande quelle est votre radio préférée, vous répondez Skyrock. Et c'est dans la poche, et c'est à toi, Fred, maintenant. Je suis là, je suis prêt. Nous, on vous donne rendez-vous ce soir à partir de 21h, en tout cas pour Cédric et Romano et toute l'équipe de la Radio Libre. Ouais. Venez faire les

is what you came for. Lightning strikes every time she moves.

c'est un son qui fait toujours du bien, celui de Bob Marley à l'instant, Could You Be Love, avec le petit rayon de soleil qui va avec en plus. Non, franchement, donc t'es pas bien sur Skyrock. Belle journée encore aujourd'hui, hein. Je regarde la météo sur l'ensemble de la France, des 33 degrés même sur le côté ouest, du côté de Rennes, de Cherbourg, 26 degrés aussi, 36 du côté de Biarritz, Grenoble 31, Lyon 31, Marseille 28 degrés, Lille 26 degrés, Paris 29 degrés, Metz